c'est fini pour ce soir. C'est vrai que c'est passé super vite. Super content hein, d'être avec vous tous les soirs. C'est Michael en fait, l'auditeur. De 20h à 23h. C'est drôle ça. Mais peut-être. Ouais, c'est lui. Hein. C'est lui. Hein. Tu as pas reconnu. Mais oui, mais tu, je peux faire l'accent belge si tu veux. C'est pas un problème. Allez, écoute. Mais il suffit que tu demandes. Hein. Est-ce que tu penses que c'est un vrai Belge? Oh là là, on est tellement vrai là. Oh là, c'est. Je pense que c'est même confession intime à lui tout seul. Mais qu'il nous appelle demain soir, il passera volontiers sur l'antenne. On va se marrer à 20h. Hein. Ah, je crois qu'il veut passer dans ton émission. Oui, ah, malheureusement, fait. C'est complet. Désolé, on affiche complet ce soir. Hein. Désolé. Ah, hein, c'est. Ouais. C'est un peu comme l'hôtel, tu vois. C'est bon. Quel dommage. Non mais je vous le laisse. Tu vois, chacun sa place. Nous, on a les nôtres. Vous avez les vôtres. Voilà. C'est tout. Je pense que bon, chacun sa place. Voilà. Et puis je pense que Doc peut faire une bonne carrière avec celui-là. Je pense qu'il y a quoi faire. Il y a du boulot. Ah ouais. Ça c'est clair. Ouais. Bon, bah, vous êtes bien marrés ce soir. Et encore. Oui. Bon, les sièges sont chauds là, très bien. On va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous également. À demain. À demain, tout le monde. Et puis, c'est parti. La retour de Lovin Fun demain dès 20h, bien entendu. Et puis, là, c'est parti. Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h du mat. À demain. Ciao. Demain. Arrête de me faire chier. Mickaël No Limit, 23h-2h. Sur Fun Radio. Yes, en direct sur Fun Radio. Quelle journée aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas ce soir, là comme tous les soirs sur Fun Radio. Tous les soirs de la semaine de 23h à 2h, le dimanche de 20h à minuit. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, comme ça vous connaissez le principe. Moi c'est Mickaël, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Hein, si vous voulez me joindre et me rejoindre là, hier à l'antenne, rien de plus simple. Vous prenez votre téléphone maintenant et puis vous composez le 01 42 48 5000 ou même le 02 851 4x0. Et puis vous passerez avec nous comme Jordan par exemple qui est avec nous, qui n'est pas encore avec nous, qu'on devait avoir, mais c'est pas grave. On a Sébastien qui est là également. Salut Sébastien. Salut. Sébastien qui n'est pas là non plus. C'est pas grave, on va remettre le standard en une seule pièce, vous inquiétez pas. Il y a du monde, forcément ça appelle. Alors du coup il y a Kelly Lou qui va arriver. Elle est un petit peu perturbée, mais c'est pas grave. Sandro qui est donc justement toujours parvenu, elle est encore malade, hein. Elle sera peut-être là demain, on va voir. Donc c'est Kelly justement qui est avec nous ce soir, que vous pouvez d'ailleurs voir sur Facebook, hein. Kelly, bah oui c'est vrai, il y a la photo, je l'ai mise la semaine dernière. Vous pouvez aller voir sur Facebook, le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. C'est la remplaçante encore ce soir. Alors Toff lui évidemment est bien là avec son magnifique scooter, un scooter de high-tech en fait, tout simplement. De haute compétition. Exactement, les filles d'ailleurs, si vous voulez qu'il passe vous prendre ce soir, il n'y a pas de problème, suffit de demander, il démarre. Ouais. Voilà, il est là, il n'y a aucun problème. T'as vu, j'ai fait l'entretien, hein, il démarre tout de suite. Oui, il démarre un peu mieux, mais c'est au début d'émission en général, c'est plus facile, effectivement. Et puis on a Nadia qui est venue nous voir ce soir d'ailleurs, il est venu te chercher. Donc Nadia, une auditrice qui est souvent sur le Twitter de l'émission qui s'appelle Le Prince Nadia. C'est bien ça, Nadia, hein? Attends, approche-toi, ouais, prends le casque. Approche-toi du micro, voilà. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, ben sois la bienvenue. Il est venu te chercher avec son scooter ou pas? C'est ça. Ah, voilà, beau scooter. Hein. T'as vu, je l'ai ramené en une seule pièce, hein, d'accident. Non, c'est. Franchement c'est beau effectivement. Donc voilà Nadia qui est avec nous ce soir. Et voilà, physiquement tu trouves comment Toff? Mais il est moche, ouais. Quelle horreur, quelle laideur. Non, ce serait bien. Non, c'est pas merci. Bien. Très bien. Ah très bien. Ah bah donc. Attends, on va te. Afloulou va venir avec des lunettes. Oh quel talent, il fait son petit tour sur lui-même, quelle horreur. Et puis il y a la star des stars, le roi du pipeau, j'ai nommé évidemment. Polo. Je sors l'instrument de son voilà, légion Oliva. Il s'est fait beau gosse ce soir, il s'est rasé les cheveux, hein. Et pour fêter ça justement, Pipo. Quel talent ai-je envie de dire. Quel talent. Bon, on a récupéré, on a toujours pas récupéré Jordan. On va essayer de le récupérer dans un instant, c'est pas très grave. Jordan qui voulait parler de malchance. Bah, finalement, ça le poursuit. Hein. Tiens, au niveau de la malchance, il l'est quand même. Hein. On l'avait au standard tout à l'heure. Au moment où on a démarré, paf, le truc s'est arrêté. Donc, au niveau de la poisse, je pense qu'il en tient une belle. Je pense qu'il va nous pourrir l'émission de ce soir. Hein. Je pense que c'est. Je fais attention qu'il n'y a pas un truc qui me tombe dessus, un écran. Ouais. Franchement, c'est ce qui risque de se passer. Bon, il y a du son aussi que je vous ai prévu ce soir évidemment avec Tapo et Raya. Tapo et Raya que je vous calerai tout à l'heure. Ah, et si vous voulez écouter un son en particulier, n'hésitez pas également, hein, vous pouvez faire votre demande, il n'y a pas de problème. Je vous calerai aussi Avicii. Et puis attention, je vous mettrai également un son qui a permis de créer une vidéo à base de seins. Qui a cartonné hier sur le Facebook, vous avez été plus de 200 000 à venir la voir. Eh bien, c'est la version de Martin Garrix. évidemment la version sur le Facebook, hein, c'est Animal Boobs. Vous allez la voir, c'est une meuf en fait qui fait bouger ses seins sur le rythme de Martin Garrix. Elle est évidemment encore sur le Facebook de l'émission. Allez voir, allez partager. Facebook.com/MIKL officiel. Surtout, n'hésitez pas. Elle est juste assez énormissime. Bon, on n'a pas. Bon, on a plus Jordan évidemment. Il fallait que ça arrive, ça, c'est pas grave. On a Sébastien en attendant qui est avec nous là, qui est déjà au standard là. Bonsoir Sébastien, comment tu vas ? Oui, vous ? Eh ben écoute, plutôt bien, on devait voir Jordan là pour parler des malchances. Et visiblement, effectivement, ça se confirme, il est poisseux. Ouais. Oui. Du coup, nous sommes poisseux également, voilà, donc au final, ça se suit quoi. T'as des malchances toi Sébastien ? Ouais, j'en ai beaucoup. Ah vas-y, t'as une petite histoire sur la malchance là qui t'est arrivée là récemment, ou pas récemment, mais qui t'est arrivée tout court ? Bah c'est ma copine, elle veut plus me parler. Ah ouais, ça c'est. Ouais mais ça c'est peut-être pas de la malchance, hein. c'est peut-être physique. Il y a peut-être plein de raisons possibles, hein, sur le fait que ta copine veuille plus te parler. Mais en tout cas on va en parler dans un instant justement. T'es resté avec elle longtemps ? Ouais, ça fait 5 mois qu'on est ensemble. D'accord. Ah oui, ça fait hyper longtemps. Non mais bon, et tout est relatif. Et ça fait combien de temps qu'elle te parle plus ? Bah 3 mois. Combien ? 3 jours. 3 jours, d'accord, ok. Bon, écoute, on va en parler dans un instant. Et puis, bah, la malchance, on va en parler également. Si vous êtes, vous aussi, comme Jordan, hein, qu'on n'arrive plus à joindre parce que c'est directement le répondeur. Alors, soit il a peur, soit effectivement, il joue de malchance. Et à mon avis, je pense que c'est plutôt ça. N'hésitez pas à nous contacter. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Et puis, pour la Belgique, 02 851 4x0. Vous aussi, vous avez de la chance ou pas de chance, justement, Tof, Polo là. Bah, moi, avec les filles, j'ai pas de chance. Je crois qu'il y a dire avec mon physique. je jouais de malchance. Chance effectivement. Ah, ouais. Post-caca de retour. Post-caca de retour effectivement. Ouais. D'ailleurs c'est vrai. Bah je également. Bah voilà. Et Polo, flatulences qui partent comme ça. Bah voilà. Et Polo lui c'est pas chance au niveau des blessures. Au niveau des blessures, je me suis ouvert le crâne. Ouais, la main, voilà, rien de grave. Le front, la jambe, le pied. Je me suis pété le bras plusieurs voilà. fois. Voilà. Et les bagages. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi aussi finalement. Ouais. On a aussi le même problème au niveau des pas de chance à ce niveau-là. Mais bon, bah, venez nous en parler si vous avez de la chance ou pas justement là. N'hésitez pas 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Restez bien également là ce soir puisque eh bien j'aurai des cadeaux pour vous avec la colle dans quelques instants là. La colle avec Julien qui est avec nous là. Salut Julien. Salut. Salut. Comment ça va Julien? Ça va et vous? Eh ben tranquille hein Julien. Bah ouais plutôt bien ouais. là. Est-ce que tu joues de malchance toi ou pas en général? Non. Toi t'es plutôt chanceux? Je suis plutôt chanceux, ouais. Bon, bah écoute, on va directement vérifier ça avec la colle de soir, puisque tu vas peut-être pouvoir offrir un auditeur ou peut-être repartir avec l'iPod Nano, justement, toi-même. Ça dépendra évidemment. Alors, le concept est très très simple. Julien, tu vas donc proposer une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, tu gagnes, d'accord ? D'accord, ok. Bon, bah vas-y, Julien, on est tout ouïe là. Fais péter. Ok, ça marche alors. Allez, vas-y. J'ai 3 poussins et je veux qu'il m'en reste 2. Comment je fais ? J'ai 3 poussins et je veux qu'il m'en reste 2. C'est ça, comment je fais ? C'est un mode d'emploi que tu veux peut-être ? J'ai 3 poussins. Non, alors c'est ça, donc tu as 3 poussins, tu veux qu'il t'en reste que 2, qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça ? Exactement. Bon, alors si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous allez sur le Facebook de l'émission. Je vais mettre la petite publication et la photo de l'iPod là d'ici quelques instants sur le Facebook de l'émission. Vous allez répondre là-dessus uniquement. Et si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, eh bien à vous de répondre en direct à l'antenne. Et si vous avez la bonne réponse, l'iPod Nano dernière génération sera peut-être pour vous. Bon Julien, en attendant. Il est pour moi. Eh ben on verra si quelqu'un trouve la bonne réponse ou pas. Donc je rappelle, tu as 3 poussins, tu veux qu'il t'en reste que 2, qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça ? Exactement. Parfait. Bon, à tout de suite Julien. À tout de suite. Allez, à tout de suite, parfait. Bon, et on va parler de la chance dans quelques instants sur Fun Radio, restez bien là. Il y aura aussi des casques de DJ tout à l'heure, on aura aussi bien entendu le... Chérie, je peux te faire cocu. Eh oui, vous connaissez le principe, c'est le lundi soir. Et donc hier, vous avez bien aimé le Chérie, je peux te faire cocu. Et tous les lundis, eh bien, c'est un nouveau. Donc si vous voulez participer, vous connaissez le principe également. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On parlera également du Top Twittos tout à l'heure. Ça, c'est avant 2h du mat. Hein. Top Twittos, c'est celui ou celle qui est élu Top Twittos, celui qui est le plus influent sur le Twitter de l'émission en mettant le hashtag Mikael, tout simplement. Alors hier, c'était, je reviens plus sur le prénom, mais Tof va me le dire ou pas ? Tof va te le dire dans en 10 secondes. Que tu le prends un peu de coup. Mais j'ai oublié son nom. D'habitude, c'est les Biflex, mais là, elle a raté, là. C'était Kevin LR17. Voilà, Kevin LR17, exactement, exactement. Bon, ben voilà, donc c'était lui hier. Est-ce que ce sera toujours lui ce soir? Est-ce que ce sera les Biflex? Est-ce que ce sera vous? À vous de nous dire. Voilà, vous balancez tout simplement vos messages maintenant, Twitter de l'émission. Vous tapez le hashtag et Mickaël sur le Twitter. C'est aussi simple que ça. Et puis, on aura Fred aussi dans un instant pour la malchance, ouais. Là. Bonsoir, Fred. Ouais, salut. Comment ça va? Ouais, tranquille. Bon, on va parler de malchance dans un instant avec toi. Ouais, comme d'hab. Bon, juste comme ça, et juste une seule petite histoire rapide avant de mettre la pub, là, au niveau de la malchance, qu'est-ce qui t'est arrivé le plus ouf? Le plus ouf, alors, on va dire... Ouais, c'est de m'être cassé la gueule en sport dans les escaliers avant de monter dans le gymnase. Parfait, ne bouge pas, on en parle dans un instant. On en parle dans un instant, et en parlant de malchance également, je sais pas si t'as vu la vidéo que j'ai mise cet après-midi sur Facebook. Non, j'ai pas eu trop de temps parce que du coup je suis rentré du taf à 20h ce soir. D'accord, bah alors va voir si t'as l'occasion. Les autres aussi, je vous invite à aller la voir. Je vais la mettre en haut du Facebook, comme ça vous la trouverez facilement. C'est une meuf qui essaie de faire une danse un peu sexy pour son copain ou juste pour son kiff. Et à un moment elle se casse la gueule, sa jambe prend feu. Bon, rassurez-vous, elle a pas eu de brûlure ni rien, hein, c'est juste impressionnant. Mais allez voir, je me suis pissé dessus toute l'après-midi, ce truc m'a fait trop marrer. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Maintenant il y a la vidéo de la meuf qui essaie de faire une danse et au final sa jambe prend feu. Voilà, je vous en dis pas plus, vous la découvrirez. Elle fait même pas 30 secondes, je vous conseille d'aller voir. Et puis on en parle dans un instant. Fred, le pas de chance, on en parle dans un instant avec toi. On aura Seb également qui lui aussi joue de malchance. Et puis on aura aussi, comme promis, le son de Martin Garrix sur Fun Radio. Martin Garrix avec Animals. C'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun Radio. Il est 23h09, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio. À chaque fois je vais me faire niquer par ce jingle qui dit Fun Radio encore une fois. C'est un truc de dingue. Bon, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Les 23h11, on est en direct avec vous. D'ailleurs merci pour tous les messages qui viennent de débarquer avec Mathias qui est trop content que vous soyez là, les tarés là. Vendez-nous du rêve comme d'hab, on va tout faire pour hein. Puis grâce à vous aussi évidemment hein, c'est vous qui balancez tous les messages. Thibaut également qui dit la chanson du renard featuring le Pipo, là ça peut donner quelque chose ce soir. Ah bah oui, pourquoi pas, on vous l'avait fait découvrir hier. Et il y a Bruno dans la radio qui en avait parlé ce matin également. Il a même mis en entier. Alors peut-être qu'on le fera également ce soir, tiens on verra. Il y a Mathias qui dit il est malchanceux là pour de vrai le mec. C'est un bon le type là. Ah oui ça c'est clair. Et DJ Bourbru qui dit mais oui pose caca, ça nous fait une petite proute là, le pose caca. Bah bien sûr. Et il en a déjà fait une tout à l'heure. Bah ouais. Ah bah attends, pourquoi il fait pas de proute là, dis donc pose caca? Parce qu'il est un peu mal là. Bah attends, ouais là on dirait. Hein. Constipé, là. Attends, mais pourquoi il fait pas de proute pose caca là? Je comprends pas. Voilà, là il est en forme là. Là ouais, je le reconnais là. Ouais ça venait pas mais là c'est bon. Voilà, là je le reconnais. Bon allez. Vous nous appelez où que vous soyez évidemment, 01 42 48 5000, n'hésitez pas. Et puis on va se faire péter maintenant le son de Martin Garrix qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio. Martin Garrix avec Animals. Et je vous rappelle qu'il y a toujours cette magnifique vidéo avec ce magnifique décolleté. Moi je ne vois plus que ça, j'ai oublié le clip de Martin. Sans déconner. Voilà, c'est une fille en fait qui fait bouger ses seins grâce aux muscles sur le rythme de Martin Garrix. Allez voir, c'est sur le Facebook de l'émission, je l'ai mis hier. Facebook.com/Mickaël officiel. Martin Garrix maintenant, c'est Animals sur Fun. Déjà, il y a plus de 200 000 personnes qui ont été voir la vidéo dont je parlais là juste avant le son de Martin Garrix. Là, c'est juste improbable avec la meuf qui joue sur le rythme de Martin Garrix avec ses seins qui les fait bouger. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Pour être précis, vous êtes 233 000 pervers à aller voir, à avoir été déjà voir cette vidéo. Et alors un autre truc, si vous voulez vous marrer là, alors imaginez juste Toff. Voilà, et je voulais quand même remercier l'auditeur, j'ai plus son nom parce qu'il me l'a envoyé en speed là tout à l'heure et le message est vite passé, mais je viens de la mettre sur le Facebook, la vidéo en exclu total. Apparemment un auditeur a vu Toff passer et il vient de la mettre, il vient de me l'envoyer, il l'a vu cet après-midi passer sur sa mobilette. Allez voir, la photo est sur le Facebook de l'émission. Non mais c'est à mourir. Donc facebook.com/Mickaël officiel, allez la voir, elle est exceptionnelle. C'est le vrai hein. On l'a reconnu directement là. Tu as remarqué le saut à vomi devant. Et puis surtout l'espèce de truc réacteur à l'arrière là. Ah mais c'est avec ça qu'il arrive. C'est pour ça qu'il va vite. D'où le... Voilà, c'est ça, en fait, c'est grâce à ça que ça avance. Hein, j'ai toujours dit. Hein. Ah, mais ouais, grave, attends, mais c'est juste énormissime. Putain, merci. Je vais essayer de retrouver le nom de celui qui me l'a envoyé, mais bravo à lui. En plus, il a cadré et tout, là, vraiment. Ouais. Putain, quel talent, quoi. Waouh, la classe. Bon, ben, allez voir facebook.com/chezmickaël officiel. Sur le Twitter, ça fonctionne également. Vous avez pu voir Toff, donc au taquet. Et ça, ça fait plaisir. Vraiment. Vraiment classe quoi. T'as connecté toi ou pas la Fred là? Tu t'es connecté? Bah non, ou pas là, j'ai un bug de connexion. Merde. Dommage. Ah, c'est dommage parce que tu rates quelque chose hein, mec. Alors je peux te dire que. Ouais là, du coup. Non mais ça bug, c'est la malchance hein. Ah bah ouais là pour le coup vraiment. Non mais un truc de fou. Allez voir hein, facebook.com/chezmickaël officiel. Alors partagez la vidéo et c'est la photo pardon. C'est vraiment top sur sa mobilette cet après-midi là. C'était. C'est comme ça que j'ai été chercher Nadia. Exactement. Ouais. Voilà, donc là, comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble cette mobilette maintenant. Donc, facebook.com/chezmickaël officiel. Bon, alors, toi, Fred, tu voulais réagir à la malchance. Toi, t'appelles de Lyon, 23 ans. Ouais, et explique-nous ta malchance. Bah alors, déjà, une journée de malchance, ça commence par renverser 3 fois d'affilée le café sur soi. Oh merde, putain. Mais il y a un moment, lâche l'affaire. Hein. Ah oui, et puis du coup, après, ça commence. Une fois, j'étais allé à mon entretien de CAP, en fait, où j'étais allé. Et du coup, j'arrive, je descends du bus. Il y avait des plaques de gel par terre. Et du coup, j'arrive à l'entretien, je descends, je me rétame par terre et, et je craque l'arrière de mon pantalon. Ah, chaud. Puis après, t'es une garde toute la journée avec le pantalon et ouvert. Et ben, après, j'ai loupé l'entretien parce que j'avais pas me présenté avec l'arrêt du cul qui était ouvert. Ouais. Tant que tu restes de face, ça se voit pas. Hein. Ouais, mais moi, il m'est arrivé un truc aussi à base de pantalon. Je voulais. C'était pour choper le train en fait, le Thalys. Et donc, tu sais, à un moment, j'étais vraiment à 2 secondes de le rater. Donc, je passe au-dessus d'une barrière. Et au moment où je me suis pris pour un cheval, c'est pour passer au-dessus de la barrière. Donc, je lève ma jambe et la claque. Tout le pantalon là, ça fait mal, qui claque. Merde. Oh, c'était une galère. Oh, c'est bon. Alors, t'essayes de... Au lieu de passer pour le mec chez qui se passe rien, c'est naturel. Donc, du coup, tout le monde s'en fout de ta gueule. Non, parce que tu fais semblant de. Tout va bien, il n'y a rien, rassurez-vous, vous ne voyez rien. Bon, au final, tout le monde te mate, quoi. Et donc, du coup, tu passes pour un con. Alors, quoi d'autre comme malchance? Bah, après, au quotidien, sinon, c'est perdre ses clés de voiture, sinon, perdre les clés du boulot quand on arrive au boulot. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les mères de pigeons qui nous chient dessus régulièrement. Ah, ça, c'est pas mal. Des trucs comme ça. Ouais, ça m'est arrivé aussi une fois. C'était un pigeon, donc, il m'avait chié dessus aussi, ce connard de pigeon. C'est régulier, donc on est habitué. Ah, toi, t'es vraiment poisseux du début à la fin, toi. Hein. Ah bah oui, mais après, je veux dire, voilà, ça arrive régulièrement et voilà, c'est au bout d'un moment. Polo et moi, c'est quand on part en vacances. Toujours la valise, si c'est pas l'une, c'est l'autre, voire les deux. C'est vrai, ouais. Ah bah, une fois, quand j'étais parti en vacances, la veille, on avait tout chargé, le lendemain, les pneus étaient crevés. Ah ouais, mais ça c'est parce que t'avais mis trop de poids dans la voiture. Bah oui. Non, je pense pas. Bah, par contre, t'es obligé de tout enlever du coup. Donc après, du coup, on avait oublié de changer les pneus la veille et du coup, ça nous a fait 400 balles de frais. Oh là là, putain, juste avant les vacances en plus, c'est la bonne surprise. Voilà. Allez hop, 700 euros avant de commencer, c'est cool. Donc, dites-nous, tiens, si vous avez de la chance ou pas de chance. Il y a Lilou au standard là, qui est avec nous là. T'as de la chance ou pas de chance, toi, Lilou? Bah, j'ai de la chance parce que je suis avec vous. Oh Lilou, t'en la joues? C'est tout ce que tu mérites. C'est tout ce que tu mérites. Bon, donc dites-nous si vous avez de la chance, si vous êtes plutôt poisseux ou pas. 01-42-48-5000 et 02-851-4x0. On aura également Lucas dans un instant là. Salut Lucas. Salut. Oh putain, je pensais que c'était notre boss. Oui, j'ai pas de chance depuis que j'ai engagé ces bandes de connards là qui me font chier depuis le 22 juillet. Je pensais que c'était parce qu'il s'appelle Lucas aussi, donc tu vois, j'étais surpris, je me dis merde, c'est putain. Regardé comme ça. C'est genre il ose pas nous le dire, il passe par l'antenne, c'est oui, avec une chaussette sur le téléphone. Oui, donc moi j'ai pas de chance, je travaille avec des connards depuis le 22 juillet. Donc voilà, je voulais vous le dire. Ah c'est merde. Bon, ça. Tu vois, ils me pourrissent la vie. Ouais, ils me pourrissent la vie exactement. Ouais. En plus, il est malade, attends, il a même un rhume, c'est ça va être de notre faute. Bah bien sûr. Bon Lucas, alors toi tu es mal, enfin tu étais poisseux aussi toi, on va en parler dans un instant Lucas. Ouais, bah très bien, bah reste là. Fred, reste là également. Les filles, dites-nous aussi, tiens, si vous êtes chanceuse ou poisseuse, venez nous en parler. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Avant cela, on va récupérer Julien maintenant avec la colle. Julien. Julien. Oui, allô. Ah, il est là. Julien du 92, oui, donc qui voulait nous poser la colle et donc qui voulait surtout repartir avec l'iPod Nano. Oui, c'est ça. Dernière génération, le principe est simple, tu poses une colle. Si personne ne trouve la bonne réponse, tu repars avec l'iPod Nano, on donnera la réponse tout à l'heure à 12h30. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu ne pars pas avec l'iPod Nano et c'est la personne qui aura trouvé la bonne réponse qui repartira avec l'iPod Nano. Si elle est tirée au sort, bien sûr, à 12h30. Oh, on verra, t'emballe pas. Je rappelle que si on tire quelqu'un au sort mais que cette personne ne décroche pas à minuit et demi quand on l'appelle en direct, bah tu gagnes également, forcément. On y va, Julien, fais péter la colle encore une fois. Alors, j'ai 3 poussins et je veux qu'il m'en reste que 2. Je fais comment? T'as 3 poussins et tu veux qu'il en reste que 2, tu fais comment? C'est ça? C'est ça. 3 poussins, je veux qu'il en reste que 2, comment tu fais? Bon, si vous avez la bonne réponse, bah vous allez sur le Facebook maintenant, là. Tu as 3 poussins, tu veux qu'il t'en reste que 2, comment est-ce que tu dois faire? Vous allez sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, et puis il y a une photo d'ailleurs, bon il y a photo de Toff également sur sa mobilette, mais c'est pas celle-là, il y a la photo avec un iPod, enfin plusieurs iPods même, les iPods Nano dernière génération que je vous offre. Il suffit simplement d'aller balancer votre réponse en laissant un commentaire, voilà, on fera un tirage au sort parmi les commentaires, et donc vous allez certainement être nombreux à me poser la question, oui, mais comment on fait parce qu'on laisse pas notre numéro. Guettez bien votre boîte à messages, oui. Les messages privés. Surtout autres. Oui, c'est vrai aussi. Et comme ça, on vous demande votre numéro de téléphone. Il suffit de le laisser et on vous appelle en direct, bien entendu. Voilà. Bon, allez, bonne chance tout le monde. Facebook.com/mikaelofficiel. Vous répondez donc à la question, à la colle de Julien. Tu as 3 poussins, tu veux qu'il t'en reste que 2. Comment tu dois faire? C'est ça, Julien? C'est ça. Bon, ben, on te reprend dans quelques instants, alors, d'accord? Ok, ça marche. Bon, parfait. Tiens, on va parler série télé aussi dans un instant, là. T'es fan de série télé en particulier, toi ou pas? Moi, non, pas spécialement. Pas spécialement. Et toi, et toi, Fred, t'es fan de série télé ouais, ou pas? Ouais, bah après, j'aime bien Bones, NCIS, tout ça, ouais. Ah, bah oui. Et quoi d'autre, tu m'as dit? NCIS, Bones, les séries américaines, quoi. Les séries américaines. Est-ce que tu regardes? Moi, je suis en kiff sur celle-là, j'ai pas encore continué, là. J'attends qu'ils mettent tout, parce que sinon, je vais être frustré. Breaking Bad. Non, oh là là, jamais regardé là. Ah mais si je peux vous la conseiller, énorme. C'est pas énorme, c'est au-delà d'énorme. C'est plus qu'énorme. Non, elle est géniale. La série, elle démonte tout quoi. Je vais mettre la musique. Allô? Oui, on t'écoute. Tu es en train de me faire un kiff. J'écoute la musique de Breaking Bad. Tu disais, Fred? Non, ça, je connais. J'aurais jamais regardé une émaillée, ça. Jamais? Ah bah franchement, non. Regarde. Tu vois, toi t'es plutôt NCIS. C'est plus facile. Ça passe sur M6. Oh. Bah ouais, c'est plus simple, effectivement. Bon, dites-nous d'ailleurs, si vous êtes fan de série télé, là, qu'est-ce que vous regardez comme série télé? Et si jamais vous en connaissez des nouvelles, partagez, hein, ah, là, moi j'adore. C'est énorme, faut qu'on en parle. D'accord, bon, on va en parler dans un instant. Et toi, Lucas, tu regardes quoi comme série télé, là? Moi, je regarde les Simpsons. Les Simpsons, c'est pas mal les Simpsons. Eh hey, putain, n'empêche, super vieille la série télé, hein, des Simpsons. C'est dans les années 80. Ouais. Je sais plus, mais ils sont à la saison 19, je crois. 17, 18, 19, un truc comme ça. Bref, c'est super vieux. Bon, ben on en parle dans un instant. Lucas reste avec nous. On aura aussi Romain avec nous de Lyon également. Là. Salut Romain, comment ça va? Oui, bonjour Mickaël. Bonjour Romain, tout simplement. Bon, on va parler avec toi dans un instant, là, reste tranquille, Romain, tout va bien. Bon, on parle de quoi justement dans un instant? Tu nous appelles pourquoi, Romain? J'ai un grand fantasme, en fait, je peux pas m'empêcher en fait de voir des femmes qui font du dangling en fait, dans des lieux publics ou dans des salons, des choses comme ça. Du dangling, mais qu'est-ce que c'est du dangling? Alors le dangling, en fait, c'est un balancement d'escarpin. En fait, c'est une femme qui balance un escarpin en bout de leur tête. Je n'ai rien compris parce que tu es en train d'écarter ton téléphone ou au contraire de le mettre dans ta bouche. Enfin, oui. Donc tu disais, c'est quoi? C'est un balancement d'escarpin. En fait, c'est une femme qui balance un escarpin en bout de ses orteils pour en faire admirer la finesse du talon de son pied. Mais t'es sérieux avec ça? Ah bah ouais, c'est super sensuel. Ah bon? Moi j'aime bien les meufs aussi, ça m'excite aussi, c'est voir des meufs arriver avec un rouleau de PQ autour de leurs doigts et elles bougent comme ça avec le rouleau de PQ. Moi je trouve ça classe. Ah, pas. Non, ah, t'as pas ce fantasme toi? Non, mais comment je vais au supermarché s'il y a une meuf qui déballe le paquet de PQ et commence à danser avec le rouleau de PQ autour de ses mains, alors là moi j'adore. Ah, il faut savoir que Mickaël il va dans les couloirs des hôtels juste pour voir les femmes de chambre passer avec l'hôtel. Ah, exactement, et puis alors je leur demande parfois. Alors je leur demande, je leur dis oh machin, tu peux éventuellement faire une petite danse. Non vraiment, hein. Bon ben on va parler des fantasmes dans un instant, Romain, ben reste avec nous. Sébastien, bouge pas de là, on va parler avec toi également dans un instant. Et puis ben, tous les messages qui arrivent aussi, là, il y a Mathias là qui veut envoyer un message notamment. Mathias qui dit Californication est juste la meilleure série, Mika, faut que tu vois. Oh ouais, t'inquiète pas là, on est au taquet. Californication. Avec Californication, j'adore également. Il y a Brandon qui dit série télé, trop bon, moi je kiffe les Walking Dead, Prison Break également. Ah ouais, Walking Dead c'est pas mal, il y a scène de ménage, ouais mais. Oui, c'est vrai que c'est une série télé aussi, effectivement, pourquoi pas. Un peu différente, mais j'aime bien aussi. Phénicia qui dit, moi je suis fan de The Vampire Diaries, c'est toute ma vie. Cédric qui dit Breaking Bad et The Walking Dead. Ah bah Breaking Bad, c'est une tuerie aussi. Tu connais Grimms, tu devrais regarder, c'est une tuerie. Malheureusement, seulement 2 saisons. C'est Kinder Bueno qui avait envoyé le message. Et alors, Let's Be Freaks qui dit les séries que j'adore, c'est Dexter, How I Met Your Mother, Six Feet Under. Ah, j'adore aussi les trois là, pour le coup. Et puis, Alenko qui dit, faut que je l'avoue, là je kiffe Louis Lafourcade. Comment tu veux regarder ça, la honte? Oh merde, Louis Labrocante. Moi j'adore Julie Lescaut et Navarro. Grave. Bon, on en parle dans un instant. Les séries et les pas de chance, on en parle justement. Si vous voulez nous appeler, bah, prenez le contrôle de Fun, on vous le propose là. Venez, on est là jusqu'à 2h du mat ce soir sur Fun Radio. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Prenez le contrôle de Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Et puis on va s'écouter un son que vous avez demandé avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. C'est Avicii maintenant sur Fun. Avicii à l'instant sur Fun Radio avec You Make Me, un son que vous avez découvert sur Fun Radio. Il est normal, et c'est normal parce qu'il est plutôt bien foutu. On aura aussi tout à l'heure le son de Tarko et Raya. Voilà, Tarko et Raya qu'on écoutera dans un instant là, avec Cuidate el Top. On aura aussi Carolina Marquez tout à l'heure là. Et si vous voulez choisir des sons, n'hésitez pas, hein, vous mettez le hashtag Mickaël maintenant sur Twitter, là, vous demandez le son que vous voulez écouter, et puis on vous le mettra sans problème, avec plaisir. Il y a toujours la photo de Toff aussi en mode motard sur sa mobilette avec, enfin bref, il est, c'est un auditeur qui l'a vu passer cet après-midi, il a fait une photo, il me l'a envoyé, donc merci à lui déjà. Et donc, bah, Toff en mode motard. Hein. Voilà, voilà, tout est à voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. N'hésitez pas. C'est bio, monsieur. C'est, oui, c'est bio. C'est vrai que la moto avance tout seul. Enfin, c'est une mobilette plutôt. N'hésitez pas à aller voir ça. Plein de messages qui sont arrivés là. Où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est? Il y en avait plein qui est arrivé là par rapport à la moto de Toff. Là, ils sont perdus avec toutes les séries. C'est dommage. En tout cas, beaucoup de gens qui adorent, hein, qui adorent la moto de Toff. Là, c'était trop. Attends, c'est quoi? C'est Toff et sa mobilette. C'est Louise qui avait envoyé le message là. Phénicia qui dit la photo de Toff. Ah, j'explose de rire. T'es trop sexy, Toff, vraiment. Merci. Il y a quoi aussi? Brittany qui dit vous êtes des ouf quand même. Merci. Radio pour nous faire rigoler comme ça toute la soirée avec plaisir, et merci à toi d'être là aussi. Et puis Mickaël aussi qui dit peux-tu balancer un seau plein de merde sur la tête de Toff. Ah, écoute, ça aurait été avec plaisir Mickaël, mais tu t'imagines bien que je n'ai pas un seau plein de merde dans le studio de la radio, parce que ce serait quand même un peu particulier quand même d'avoir ça. Si tu veux, je peux le mettre à coup de lance-flamme. Ah, bah voilà. Voilà, ça, il n'y a pas de problème, le coup de lance-flamme, avec grand plaisir. Bon, on va prendre Sébastien dans un instant, là, qui nous avait appelé parce que ça, il est aussi pas de bol, hein, puisqu'on en parle là. Et Sébastien avec sa meuf qui le calcule plus depuis 3 jours, c'est ça Sébastien? Oui. Bah, tu veux qu'on lui mette un coup de lance-flamme dans la gueule? Ouais, je veux bien. Tiens, voilà, c'est pour elle. Ouais, avec plaisir. Bon, pourquoi elle te calcule plus, Seb? Je sais pas, il y a eu des embrouilles et tout au collège et tout, il y a eu des rumeurs et tout, elle me fait la tête et tout, elle peut répondre à mes messages. Il y a eu du rimmel. Mais qu'est-ce que ça c'est? Elle a des rumeurs. Elle a quoi? Des rumeurs. Ah, des rumeurs, d'accord, oui. Ok. Bon, des rumeurs à propos de quoi? À propos de toi? Tu l'as trompé? T'as allé voir ailleurs? C'est quoi l'histoire? Ils disent ouais que je l'ai trompé et tout, que je draguais des autres meufs et tout, que c'était pas vrai et tout. Et toi, évidemment, t'es innocent, t'es blanc comme neige. Ouais, non, bien sûr. Tu l'entends dans sa voix. Bien entendu, c'est comme Toff, il est totalement innocent. Oui, toujours. C'est trop belle, je peux pas la quitter. Bah oui, non, mais elle est trop belle. Non, mais pour l'instant, c'est pas toi qui la quitte, c'est elle qui se barre. Hein. Je sais pas si t'as remarqué la différence. Ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Bon, bah écoute, tu veux qu'on essaie de l'appeler pour lui expliquer les choses? Ok. Bah écoute, on va essayer. Attends, bouge pas. On va filer le numéro là dans un instant. Reste avec nous. Tiens, ta série préférée, c'est quoi, Sébastien? Puisqu'on en parle aussi ce soir. Moi, les Simpsons. Les Simpsons aussi, d'accord, c'est pas mal. Et autrement, ouais, je regarde Plus belle la vie. Quoi? Plus belle la vie? Tu regardes Plus belle la vie, sérieux? Ok, pourquoi pas? Quelle horreur. Ah, moi je peux pas, hein, Plus belle la vie. Je sais qu'il y en a plein qui vont m'insulter, mais moi je peux pas. Hein. Ah non, Simpsons, alors je peux regarder 15 si tu veux, pas de problème, j'adore, je trouve ça rigolo. Mais Plus belle la vie, laisse tomber. Il y a Mathias qui dit... De quoi? C'est pas trop marrant. De quoi? Simpsons, c'est pas marrant? Non, Plus belle la vie. Ah non, je te confirme, ouais. Il y a Mathias qui dit, mais il a absolument cramé le Toff depuis le temps avec le nombre de Kalachnikov et de lance-flammes qui s'est pris dans la tronche. C'est vrai. Bah ouais, regarde maintenant comment il se balade avec sa mobilette là sur le Facebook. Allez voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Lucie qui dit, moi c'est de Big Bang Theory pour les séries. Ah ouais, c'est rigolo ça aussi, Big Bang Theory. Colin qui dit, j'aime bien The Mentalist et puis la moto de Toff, elle est juste magnifique. Ah ouais, je vous confirme. Malo aussi qui dit, les meilleures séries c'est Walking Dead, Game of Thrones ou encore Vikings. Vikings, j'ai jamais vu Games of Thrones non plus, mais je vais m'y atteler. Hein. Et John qui dit j'adore Walking Dead, Vampire Diaries, Game of Thrones, sinon je te recommande Lost Girl et Continuum. Ah putain, je connaissais pas, tiens, c'est bien, il y a plein de séries que je connaissais pas, donc je vais pouvoir, découvrir. Ouais, je connais pas. Ouais. Mickaël aussi qui dit quelle horreur, Plus belle la vie. Let's Be Freaks qui dit y'a Friends aussi. Ouais, mais bon, Friends c'est vieux maintenant là quand même. Hein. Comment t'expliquer que ça date pas d'hier, quoi. C'est ça que je veux dire. Et Gaël qui dit les frères Scott, c'est énorme aussi. Pretty Little Liars et Revenge, c'est les meilleures séries au monde. Alors si je peux vous conseiller aussi, bon, il faut aimer les délires avocats et encules, c'est Suits. Non mais c'est vrai, c'est une tuerie aussi, Suits, The Good Wife aussi, c'est rigolo. Donc voilà, bon, si vous avez des séries, on se les échange comme ça, si là, vous connaissez pas, ben, on va vous les donner. Et inversement aussi, et moi pour l'instant, je reste sur ma série préférée. Alors mes deux préférées donc, Breaking Bad, ça c'est mon top. Et en numéro 2... Dexter. C'est marrant, j'ai l'impression que mon téléphone sonne parce que c'est ma sonnerie en fait. Voilà, tu connais toi Dexter ou pas Sébastien? Ouais. Ah, t'aimes pas, t'aimes bien? Ouais, vite fait, ça passe. Hein. Vite fait, hein, moi j'aime bien, moi je trouve ça cool, le mec qui découpe les mondes, le monde et tout, je trouve ça rigolo. Enfin, rigolo, c'est pas le. Eh ben pourquoi pas, tiens, tu veux que je te présente Dexter, Tof? Écoute, avec plaisir. Parce qu'on peut faire un truc sympa, hein. Bah, si on peut faire un puzzle. Bah, ouais, pas de problème, attends, parce que sinon c'est un puzzle. Un puzzle. Parce que si tu veux, je suis équipé à la Dexter, moi. Hein. Voilà. Je prépare, là, je vais être beau. Ouais, je suis en train de réparer le tuyau de fun, là. Ah, attendez. Voilà. Allez, ça y est, attention, là je termine. Attendez, on y est presque. Là, la finition est presque parfaite. Alors, on va couper ça. Attendez, je suis en détail là. Parfait. Allez. Voilà, non, c'était un bout qui restait là sur le studio, il était moche. On l'a enlevé. On est quand même vachement mieux comme ça. Donc ouais. Fais attention, Tof, on est pas à l'abri, une petite scie peut débarquer comme ça sans prévenir. Hein. Parfait. On ne sait jamais. Bon, Sébastien, on va appeler ta meuf dans quelques instants. Tu restes avec nous? Ok, ouais. Parfait. En attendant qu'on ait le numéro, là, on va reprendre Julien avec sa colle. Là. T'es là, Julien? Oh merde, c'est pas cette musique-là, celle-là. T'es là, Julien? Ouais, je suis là. Ouais. Bon, parfait. Alors, Julien, refais péter un petit coup la colle. Là. Alors, j'ai 3 poussins et je veux qu'il m'en reste 2. Je fais comment? C'est bien résumé, effectivement. J'ai 3 poussins. Donc en l'occurrence, tu as 3 poussins. Tu veux qu'il ne t'en reste que 2. Comment tu dois faire? Si vous voulez choper votre iPod Nano, il faut répondre à cette colle sur le Facebook maintenant de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Et si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses, eh bien, vous gagnez peut-être votre iPod Nano. C'est la dernière génération de l'iPod Nano que je vous offre. Il y a d'ailleurs la photo sur le Facebook de l'émission. Suffit d'aller voir. Vous cliquez sur la photo. Vous laissez votre commentaire. En l'occurrence, la bonne réponse. Et c'est gagné. Voilà. Tu as 3 poussins. Tu veux qu'il ne t'en reste que 2. Qu'est-ce que tu dois faire, Julien? Bon bah je te souhaite bonne chance, la réponse à 12h30. En parlant de ça, en fait, j'ai vu une photo de toi sur Facebook. Ouais, c'est possible. Sur Mickaël officiel. Oui. Et tu dis il faudra que je dorme, effectivement. Ah mais je te confirme, comment t'expliquer que j'ai des poches en dessous des yeux? C'est-à-dire que... Ah non mais franchement, c'est-à-dire que c'est des rivières en dessous des yeux. Allez voir aussi, c'est une photo qu'on a mise avant le début de l'émission avec Tof et Polo dans le studio de fun. Allez voir aussi facebook.com/MIKL officiel. Ouais, mais je suis pas fatigué, hein, mais quand je prends la photo, ouais, effectivement, c'est des espèces de poches assez improbables. Mais je demanderai à notre maquilleur ou notre maquilleuse, parce qu'on a des maquilleuses à fun. Mais bien sûr, on est hyper équipé. Hyper équipé. Bon bah Julien, on te récupère tout à l'heure, d'accord? Ok, ça marche, ça fait l'air. Allez, bouge pas, il y a Mathias qui dit aussi, moi je propose de découper Tof en entier, si Mickaël est en top tweet ce soir. Ah ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée. C'est pas mal. Et en parlant de top tweet, je vous rappelle qu'il y a le jeu aussi avec vous là pour être le top tweetos ce soir là. On fera le top tweetos évidemment à 2h du mat, forcément, hein, juste avant la fin d'émission. Donc le concept c'est simple, on va élire le top tweetos, c'est-à-dire l'auditeur qui aura été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Et puis on verra tout à l'heure. Hein. Donc là on a le numéro 5 là. C'est qui? Dans 50%. Dans 50%, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une unité de temps. Non, c'est une unité de pourcent. C'est une unité de pourcent, d'accord, ok. Donc, ce qui charge, dans on a un vrai programme. On a un vrai programme qui calcule, on ne calcule pas nous-mêmes. Hein. Tof, demain, on se voit à 70% ou 80%? Ouais. Non, je préfère 90%. Okay, bon, d'accord. Très bien, bon, on fait ça plutôt à ce moment-là. Non, mais sérieusement, qui est le numéro 5 là? Tu l'as ou pas là? Ouais, attends, c'est bon. Alors, numéro 5, attention, pour l'instant, hein, tout peut changer encore évidemment là. Alors. Numéro 5. Numéro 5. J'essaie de faire la voix un peu. Alors, c'est Perry Farrelly. Perry Farrelly, ok. Ouais. Voilà, c'est lui numéro 5 pour l'instant. Oui. Eh bien, est-ce que ça va encore changer? Si vous voulez être le premier, le numéro 1 des top tweetos, celui qui parle de plus du Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël, n'hésitez pas. Et aussi, si vous voulez nous rejoindre sur le Twitter, vous tapez Mickaël officiel, n'hésitez pas également. Si vous me faites un follow, je vous ferai également un follow back, évidemment, avec grand plaisir. Pareil sur Instagram. Et j'allais dire, si vous voulez rester dans la course, il faut vous dépêcher. Pourquoi il y a les Beefreaks qui dégomment ça monte, là, ça monte. Bon, ben on verra comme hier en tout cas, on dira, on verra. Il y a fan de Mickaël qui dit aussi met de la glace sous les yeux. Ouais, ben en même temps, là, vu l'heure qu'il est, ça rien, mais demain je verrai. Et puis, message aussi qui est arrivé, tu pourras mettre une liste des séries que tu regardes, s'il te plaît, Mickaël, pour que je sache quoi mater un peu. Merci d'avance, c'est les Beefreaks, pas de problème. J'essaierai de faire ça ce soir en rentrant, il n'y a pas de souci. Bon, on va appeler ta meuf, Sébastien, d'accord? Ouais, ok. Bon, allez, c'est parti. Tu lui parles ou tu veux que je lui parle? Tu lui parles en premier. Bon, parfait, on y va, c'est parti, on l'appelle. Coup de lance-flamme dans sa gueule. Bah ouais, t'inquiète pas, je suis équipé moi. Pas de problème, j'ai pas peur. Oula, déjà ça hurle. Parfait. Allez, allez. Il y a toujours la moto de Toff, hein, allez voir, hein, sur la mobilette. Sur le Facebook de l'émission, là. Tapez Mickaël officiel sur Facebook pour nous rejoindre. Allô? Allô? Oui. Ouais, bonsoir, je te dérange pas? Non. Non? Je te réveille? Non. Ah bon, d'accord, excuse-moi de te déranger, je suis un pote de Sébastien là. Je t'appelle parce que apparemment c'est fini entre vous et il sait pas pourquoi, donc du coup comme il ose pas t'appeler, du coup j'ai chopé ton numéro pour en savoir plus. Oui bah. Enfin c'est fini, cool, fini hein. ou c'est une pause? Non, fini. Ah c'est. Bah pourquoi il a fait un truc ou c'est toi qui as été voir ailleurs? Je l'ai chopé. Et disons, bah vraiment avec une autre fille. Oh, mais c'est rien ça. Ouais, c'est une réputation de pute. Ouais, c'est pas grave, c'est pas très grave. Et il sait comment je suis à cause des trucs comme ça, toi. Mais il paraît que c'est que des rumeurs en fait, il s'est rien passé. Tu l'as vraiment vu? Ouais. Ouais, mais tu l'as vu la bouche dans sa langue ou la langue dans sa bouche? Non, c'est que main dans la main, c'est ça? Ouais, mais vu la meuf comment je... Non, mais j'entends rien, je comprends pas bien ce que tu me dis. Vu la meuf comment je la connais, elle a une réputation. Ouais, mais lui, il y peut rien, main dans la main, c'est pas très grave, ça se trouve, elle a peut-être mal à la jambe et il l'aidait à marcher. Oui. Fais ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'il m'a sorti hein? C'est non, mais tu vois, je sais pas, peut-être que il voulait lui montrer un truc et tu sais, il l'avait prise par la main pour la tirer. Non, je me suis mal exprimé. Pour la faire venir plus vite, je sais pas, là où il voulait l'emmener. Ou peut-être qu'elle était tombée sur son doigt et lui massait la main. Peut-être, voilà, c'est ça, peut-être que c'était un problème médical. Ouais. Non, mais tu peux pas lui laisser une petite chance là parce qu'il est, il est déprimé, il est relou. Bon alors tu sais quoi, réfléchis, je te rappelle dans 5 minutes, comme ça je l'appelle entre temps pour avoir le fin mot de l'histoire parce que c'est pas l'histoire qu'il m'a raconté. Ok. Bon je te rappelle, hein. Merci beaucoup hein. Dis donc Sébastien. Hop hop hop. Hein les rumeurs, comment ça se passe main dans la main là avec l'autre là? Tu nous as menti? Non mais. Hop hop hop. Non bah pas, t'es en train de nous raconter n'importe quoi là hein. Alors coup de lance-flamme. Parce que c'est facile de le mettre dans sa tête à elle. Voilà, bon bah bouge pas, on en parle dans un instant Sébastien, je te laisse préparer ta défense. Bon on fait ça dans un instant et puis on va s'écouter comme promis Quid at el top sur Fun Radio avec Tapo et Raya. C'est Mickaël No Limit et on est là évidemment en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Prévenez vos potes également qu'on est là sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël No Limit. On Fun Radio. Mais oui, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus. On va parler de dangling, dans quelques instants. C'est Romain là qui disait que ça l'excitait les meufs avec le dangling. Alors personnellement, je sais pas ce que c'était. Je viens de vous mettre la vidéo maintenant sur le Facebook de l'émission. Allez voir, dites-nous si c'est votre délire ou pas, ce truc-là, le dangling. Et c'est un truc de ouf, hein. La vidéo, elle a genre 200 000 vues. Bah oui, c'est un truc de dingue. Donc allez voir, facebook.com/MickaëlOfficiel. Alors plein de messages qui arrivent aussi, plein de vidéos à aller voir, plein de photos aussi que j'ai mises depuis le début de l'émission. Allez voir ça, notamment la mobilette de Toff avec lui dessus en version cet après-midi. C'est un auditeur qui l'a grillé sur la route là, donc du coup il a fait une photo, il me l'a envoyé, donc merci à lui. Facebook.com/MickaëlOfficiel et puis la vidéo également de la meuf qui était en train de danser chez elle et puis finalement bah quelqu'un rentre et elle se casse la gueule en fait, elle tombe sur sa table et puis elle prend feu. Non, c'est dégueulasse, vu qu'on dit comme ça, c'est dégueulasse. Mais au final, elle va bien. C'est juste la vidéo qui a mourir de rire. Donc, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, bougez pas de là. Là, c'est MIKL No Limit, évidemment. On est là tous les soirs sur Fun Radio en direct avec, dans quelques instants, il y aura le Chéri, je peux te faire cocu. On aura les teubés aussi, les teubés de la télé. Là, ce sera à minuit sur Fun Radio. Et en attendant, c'est Quitat El Top. C'est Tapo et Raya maintenant sur Fun Radio. La bonne nuit avec Fun Radio. Et le son de Tapo et Raya à l'instant sur Fun Radio, Quidad El Top, et plein de messages qui sont arrivés, notamment pour, eh bien, évidemment, la colle de ce soir. Hein. Quel d'entre vous on va repartir avec l'iPod Nano? On verra. Peut-être toi, Julien, là, va savoir. Hein. Va savoir. Bon, ben, le concept est simple, hein, je le rappelle. Donc, tu vas donc nous rappeler la colle de ce soir à 12h30. On fera le tirage au sort parmi les bonnes réponses qui ont été envoyées sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Bon, alors, Julien, vas-y, fais péter la colle. Alors, j'ai 3 poussins et je veux qu'il m'en reste que 2. Comment je fais? Voilà, tu as 3 poussins, tu veux qu'il t'en reste que 2. Comment est-ce que tu fais? Si vous voulez répondre à la colle, eh bien, il suffit de vous rendre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous cliquez sur l'iPod Nano et puis vous laissez votre réponse, tout simplement. Hein. Si vous êtes tiré au sort, à vous, peut-être, justement, votre iPod Nano dernière génération. Ça vaut quand même 150€, hein. C'est quand même sympa comme cadeau avec l'écran, l'écran tactile et tout. Bon, ben, bah, Julien, on te reprend tout à l'heure. Mes réponses à 12h30, d'accord? Ça marche, à tout à l'heure. À tout de suite, Julien. Bah, pour répondre, donc, facebook.com/MIKL officiel. N'hésitez pas, je vous rappelle aussi que si vous venez nous faire un petit follow sur Twitter, eh bien, je vous ferai un follow back également. Pareil, hein, vous venez sur Twitter, vous tapez MIKL officiel, voilà, sur Twitter et sur Instagram, vous me faites un follow et moi, je vous followerai également pendant les pubs et pendant les disques. En général, je fais les follows. Il y a Emmanuel qui dit une série qui tue, c'est des Unit Commando d'élite. Lorraine qui dit Nip Tuck de Borgias aussi, Gilmore Girls, bonne nuit à tous et à demain. Oui, pareil, j'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est bien. Ça, et il y avait les Tudors aussi, c'était juste. Les Tudors, ouais. Exceptionnel. Il paraît aussi, mais là non plus, j'ai pas encore vu. On parle souvent de Games of Thrones. Alors, c'est ça, j'ai pas vu non plus Games of Thrones. Moi, j'en ai vu quelques-uns, ça a l'air pas mal. Ouais, il y a demain, attends, c'est quoi? Il y a Monsieur Carter, Miss Carter qui dit aussi, et demain, je vais avoir les yeux en trop de pines comme tous les matins, pourtant. Pourtant les soirs je suis branché, merci Miss Carter. Et Jacques aussi qui dit Mickaël, tu peux mettre un coup de pelle s'il te plaît, je dois dormir mais j'arrive pas. Ah bah non, je vais pas te mettre un coup de pelle, sinon ça veut dire que tu veux dormir et nous quitter, c'est pas bien. Ah. Par contre, rien que d'y avoir pensé, je t'en mets une. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, donc on continue à parler des séries dans un instant sur Fun Radio. Et puis là il y a Nadia, une auditrice qui est venue. Ah bah ça y est, qui est venue nous apporter une petite bouteille de champagne. Ça a lâché. Ça a lâché de rien du tout, c'est que tu l'avais déjà ouvert, t'arrêtes ton cinéma, non, la bouteille elle saute pas toute seule. Non, elle a lâché toute seule, c'est parce qu'elle l'a fait tomber. Mais ouais, n'importe quoi. Bon, ben, bon, merci Nadia hein, pour la petite bouteille de champagne, là, ça fait plaisir. Hein. Ouais, ben, c'est normal. Non, mais écoute, c'est gentil. Alors Nadia est souvent sur le Twitter, hein, donc c'est le prince Nadia, c'est ça? C'est ça. C'est ça, très bien, ouais, le prince Nadia. Elle est super déçue parce qu'elle peut pas tweeter aujourd'hui. Ah ouais. Elle se sent mal, elle est pas bien. Bah tu veux qu'on branche l'ordinateur, comme ça tu pourras tweeter si tu veux non, en direct. Va, je suis avec vous donc. Non, non, mais si tu veux après, comme ça tu pourras être top tweetos peut-être ce soir, on va savoir. Bah, c'est mal barré demain, là pour l'instant. Demain. Ah ouais, ouais, ouais, très bien, très bien. Et apparemment t'avais ramené d'autres petits cadeaux. Oui. Ah bah, bah on nous sommes. Là, c'est bon. Oui, on t'entend, c'est bon. Non, parce que là, c'est là, par contre, t'entends plus. Hein, si. Faut, prends le micro, tire-le, regarde comme ça, comme moi, avec les deux mains, là, ici au milieu, sur le noir. Là, non, là, le noir, là. Là, les grandes barres, voilà. Voilà, tu tires, regarde, tire, t'en as rien à foutre. Bon, d'accord, ok. Alors, t'avais ramené les autres cadeaux, ben. T'as ramené quoi pour qui? Pour vous tous. Oh, même un cadeau pour Toff? Bah oui, bien sûr. Bon, enfin, c'est dingue, ça, quand même. Oh, bah alors, qu'est-ce que t'as ramené pour Toff? Surprise. Bah vas-y donne-lui alors que moi je veux voir, j'ai je veux savoir. Un sac de pu. Un sac de merde. Un sac de c'est caca. Pour faire avancer ma mobilette. Elle a sorti un sac, je croyais que c'était vraiment un sac de merde. Ouais, je pensais ça aurait pu être drôle, ça aurait pu être à mourir de rire. Sa gueule. Ah ouais grave. Putain t'imagines avec du caca là. C'est... Oui mais c'est l'excrément de mon chien. Oui. Voilà. Oui, bon. La merde sur le visage. Eh ben oui, c'est mais ça. Oui, alors ça va me faire du bien. Alors évidemment au standard ça va picoler le champagne hein. Hein. Bah oui, tu m'étonnes, évidemment ça rigole là déjà. Et à savoir qu'elles n'ont pas encore bu, n'est-ce pas Lilou et Kelly? Non, absolument pas. Absolument pas. Et je rappelle que demain est un grand jour car demain ce sont les Reyes. J'ai même pas eu le temps de mettre mon truc de journal. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est. Bah tu verras nos grands hein. Oh bah c'est dommage, j'ai servi dans des verres en plastique. Ah merde, c'était les coupes. Ah putain, bah oui, là du coup, on est dans les verres en plastique là. Tu donnes pas les trucs dans l'ordre. Bah oui, c'est ça, il aurait fallu dans le sens inverse. Bon, on mettra les photos, en tout cas, merci Nadia pour les cadeaux. Bah oui, bah, ça y est, là, sa petite coupette là, ça y est, c'est fait. C'est en plus. Merci. Bah voilà, il a sa petite coupette, on a sa petite coupette, très bien. Tiens, il y a un message de Mathias qui dit Lilou et Kelly sont vraiment bonnasses, Bisaël. On peut pas. Enfin, ouais. Moi, je ne répondrai pas à cette question. Ouais. Mathias qui dit aussi, Nadia la classe, champagne et tout. Bah, t'as vu un peu, hein, effectivement. Emmanuel qui dit une série qui tue, c'est les Unit Commando. C'était lu tout à l'heure, d'ailleurs. Attends, c'est quoi? Lorraine aussi qui dit Nip Tuck de Borgia. Ah, bah, je l'avais déjà lu tout à l'heure, effectivement. Et Britannique qui dit, mais Tom, mort de rire, Tof. N'importe quoi, il voulait simplement lui masser la main. Bah oui, c'était avec oui, l'histoire de tout à l'heure, là. Bien sûr. T'es toujours là, où est-ce qu'il est, Sébastien? Oui. Bon, excuse-nous, mais on était en train de déballer les cadeaux hein, que Nadia nous a apportés là. Il y a des trucs. C'est beau verre, hein. C'est pas des verres en plastique. Il y a des trucs, c'est urgent. Ah, c'est en plastique? Ah non, effectivement, non, putain, c'est lourd. On va être bien. Ah ouais, non, là, c'est bien, comme ça on va pouvoir boire notre. Quand on aura notre bureau, ce qui n'est pas tout de suite. Bon, Sébastien, on va donc rappeler ta copine maintenant. Bon, c'était quoi ton histoire là? Parce que tu nous avais eu au téléphone il y a quoi, il y a un quart d'heure, pour nous dire qu'il y avait des rumeurs au bahut qui couraient que il y avait une autre meuf dans ta vie, alors qu'en fait, pas du tout. Que tu voulais garder ta meuf l'a appris, donc du coup elle t'a viré. Et après, quand on l'a eu au téléphone, elle nous a avoué qu'en fait elle vous a grillé, toi et l'autre meuf, main dans la main. Ce que, et bien, ouais, bien entendu, tu nous as pas dit. Ouais, mais je sors pas avec elle, t'as une amie. Mais qu'est-ce que tu faisais main dans la main? Ben oui, t'as été pris la main dans le sac. Non, la main dans la main. Donc bah, c'est pas juste la main, mais c'est pas ma meuf. Elle est trop moche pour moi. Non, mais. Elle est trop moche. Mais justement, moi. Mais pourquoi tu as pris la main, mais alors oui. T'es con, pourquoi t'as fait ça? C'est con. Ouais, mais je sais pas, on va pas partir sur une histoire de la main, je sais pas, c'est. Ah bah visiblement, bah nous on part sur rien, nous on s'en fout, oui, hein, mais apparemment, elle oui. Hein. La main, ça compte pas, je suis d'accord avec toi. Hein. Bon, Sébastien, on la rappelle. Ok, merci. Bon, cette fois-ci, c'est toi qui parles. Hein. Ouais, ouais. Bah, et démerde-toi, là. Mais tu lui dis, la main, ça compte pas. Non, mais. Et sois un homme. Ouais, ouais. Allô? Oh, Sophie, c'est Seb. Oui. Non, je te jure, je suis désolé, je referai plus ça et tout. Je t'aime. J'ai dit, sois un homme, et c'est une mouviette là, regarde-le. Putain, il se met à quatre pattes. Bah, ils nous entendent pas, hein. Ok. C'était. Oui. Pardonne-moi. Oh, il va pleurer, non, mais je rêve. C'était. Non, je te jure, la téléphone de merde. Je t'aime. Et qu'est-ce que tu veux avec l'autre? Non, mais s'il te plaît, je te jure, je lui parlerai plus, je la fréquenterai plus et tout. Ouais, ça, je parlerai encore moins fort à la fille. Ouais. Oui. Me fait rire. T'as dit quoi? Me fait rire. Tu m'as fait rire, c'est déjà ça de pris. Bon, alors, tu lui pardonnes ou pas? S'il te plaît. Mais tu pleures? T'es sérieux? Je te dis d'être un homme, Sébastien, t'es en train de réagir comment là? Comme une gonzesse? Vas-y, pose tes couilles sur le téléphone là! T'es sérieux là ou quoi là? Il va avoir du mal à parler si on te. Ouais. Bon, comment tu t'appelles la meuf de Sébastien? Enfin, l'ex-meuf? Justine. Justine? Sophie. Ah, Sophie! Sophie! Ah non, Justine, c'est l'autre. Sophie! Oui. Tu peux parler un peu moins fort parce que ça gueule trop au niveau de l'oreille là? Oui, non, mais c'est. Oui, pardon! Ouais, ouais, un peu moins fort encore, hein. Il bug. Ah bah ouais, c'est dommage. Bon, parce que tant pis, alors du coup, on va être sourd, mais c'est pas grave. Bon, tu lui pardonnes ou pas? Je sais pas. Ah bah, il faut te décider, maman, Justine, là. Hein. Sophie, pardon. Tu veux qu'on tire à pile ou face pour savoir? Tu veux qu'on tire à pile ou face? Vas-y, on y va. Mmh. Bon, alors pile, tu le gardes, d'accord? Vas-y. Allez, c'est parti. C'est face. Oh. Ah ouais, non, mais désolé, écoute. Sébastien. Ah ouais, mais là je suis désolé, hein, c'est le jeu. Hein. Non, mais c'est le jeu. Eh, hey, Sébastien, ouais. C'est Tof hein, qui a lancé la pierre. Ouais, il est poisseux, on en parle au début d'émission. Ouais. Bon, bah écoute, Sophie, tu vas réfléchir et puis tu le tiens au jus. Ah bah non, la pièce est tombée, c'est fini. Ouais, c'est vrai aussi, mais bon. Il faut pas revenir en arrière, c'est votre destin, la pièce voilà. Est tombée, c'est votre destin. Attends, je relance quand même pour être sûr. Ouais. Donc pile tu gardes, face tu le vires. Oui, c'est le dernier truc, des fois ça peut lui remonter le moral. Attends. C'est face. Ouais, non, tu vois, c'est le destin, c'est le destin. Non, c'est face, c'est face. Polo me le disait encore tout à l'heure, que si c'est écrit que Destiny. Tu dois gagner, tu dois gagner. Exactement. Et là, c'est écrit, tu dois perdre. Et là, rien. Bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire en plus, Sébastien, pour finir, là, parce qu'on a les teubés de la télé qui arrivent. J'entends rien, mais tu parles avec le téléphone. Ouais, franchement, vous allez bien ensemble, là. Vous parlez tous les deux avec le téléphone dans la bouche. En fait, c'est un signe, vous êtes fait pour être ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'ils s'entendent jamais, en fait. Ouais, bon. Je t'appelle tout à l'heure, ouais, appelle-moi. Ok, qu'est-ce que tu voulais dire alors? C'est un délire où c'était pris, ça fait très très longtemps, c'était le prénom de ma mère. Je devais gueuler Michel. Parfait, j'ai rien compris, donc c'est parfait. Si elle a compris quelque chose, tant mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en antenne tous les deux, hein, comme ça vous allez pouvoir parler ensemble. Ce sera plus simple parce qu'on ne comprend rien. Parce que c'est, en fait, c'est comme si on faisait l'émission comme ça. Bon, ça va, ton fou. Oui, tout, tout, tout, tout, tout, ça va. Non, bon, parce que c'est bien, continue. Désolé, ça parle très, très, très fort, parce que il y a le torrent qui dort à côté, donc c'est un peu dégueulasse, quoi. Là, il m'a saoulé l'autre, là. T'es obligé de faire ça, là? Ouais, je parle doucement dans mon téléphone. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais en fait, il expliquait que c'était un jeu avec sa meuf où il devait crier, lui, le nom de sa mère qui s'appelle Michel. Ok, bon bah écoute, ils vont s'expliquer. Non, franchement, bravo. Voilà, je parle l'idiot. Ouais, non, mais non, il avait juste le téléphone dans la bouche. Bon, ils vont s'expliquer aux antennes, je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Bon, Lucas, tu regardes souvent la télé, toi? Lucas? Lucas. Ah, c'est moi, ouais. Bon, tu regardes. Je commence à m'endormir, quoi. Mais non, Lucas, t'es sérieux, là? Bon, tu regardes souvent la télé ou pas? Ben ouais, je regarde souvent la télé, quoi, tous les soirs. D'accord. Et toi, Manon, qui est avec nous, là? Bonsoir, Manon. Bonsoir. Tu regardes souvent la télé, toi? Tout le temps, oui. C'est quoi ta série télé préférée, par exemple? Moi, c'est tout ce qui était réalité, Secret Story, Merlin aussi. Merlin? D'accord, oui. Ok. Bah alors, ouais, ça tombe bien, parce que... Non, non, l'aime bien télé-réalité et série. Alors justement, tiens, si vous regardez... Est-ce que tu regardes L'Île des Vérités, toi? Ah oui, oui, je le regarde. Ah bah justement, alors peut-être que t'as raté ou pas, Raphaël qui invente des expressions, tu l'as vu celui-là? Oui, je l'ai vu. Oui, ah, pour ceux qui étaient pas derrière la télé, regardez, enfin écoutez plutôt. Aurélie, je pense que tout est acquis ici et je pense qu'elle se trompe. Elle se trompe de long et de large. Voilà, elle se trompe de long et de large. C'est une nouvelle expression, c'est inventé, c'est comme ça, c'est merci beaucoup, c'est gratuit. Merci à toi, Raphaël. Alors sur TF1 aussi, on a eu un des jumeaux de Secret Story, là, tu te souviens là? Oui, Zarco Zelko, oui. Voilà, Zarco Zelko, exactement, l'année dernière. Et alors, en fait, il a beaucoup de mal. Bon, enfin, ça, on savait déjà. Hein. T'as pleuré dans tous les coins de la maison, que ce soit en face des autres, en tête à tête avec... Ouais, ça, c'est un peu, on dirait, le mobilette de Toff. C'est qu'elle démarre mal, comme ça. C'est un tête à tête. T'en vas voir avec Toff pour voir si c'est pareil. Ouais, c'est pareil, effectivement. On a peut-être la même. Bah, on a peut-être la même. Et puis, toujours sur TF1, ça, c'est 12 coups de midi. Alors, ça, c'est pas série ni télé-réalité, évidemment, c'est plutôt émission. Et donc, on a appris le pluriel de monsieur. Est-ce que vous savez le pluriel de monsieur, vous? Messieurs. Bah, ouais, moi, j'aurais dit comme Polo. Manon? Non. Le pluriel de monsieur, tu sais pas, même Lucas? Non plus. Bon, Fred? Bah, messieurs. Messieurs, Julien? Pareil, messieurs. Pareil? Eh bien, non, vous avez tous tort. Quel est le pluriel du mot monsieur? Madame. Ah mon dieu. Eh ouais, donc le pluriel de monsieur dans les 12 coups de midi sur TF1, c'est madame. Eh oui, voilà. Ah, ils sont forts, hein. Bah, on n'a pas appelé ça les teubés de la télé pour rien, hein. Ah, ils méritent leur place, quoi. Ça, c'est une certitude. Bon, ils méritent leur place, vraiment. Bon, Manon, c'est quoi ta série télé préférée, toi? Moi, c'est Merlin, surtout. Donc ça, c'est... Mais ça parle de quoi, Merlin? Parce qu'on cite les titres tout à l'heure, mais ça, pour le coup, je connais pas. C'est un gars en fait qui fait de la sorcellerie. Ouais, c'est un magicien. D'accord. Ok. Voilà. Et ils en sont à quelle saison là? C'est quoi? C'est français? C'est américain? C'est quoi? C'est anglais. C'est anglais, oui. D'accord. Voilà. Et c'est vieux? Non, c'est pas vieux. Il y a 5 saisons, je crois même. Bah quand même, hein, 5 ans, c'est pas mal, hein. Ouais. Et toi, est-ce que t'es fan de trucs de filles là comme ça? Gossip Girl. C'est quoi? Gossip Girl. Ah non. Non. Et les filles au standard, c'est quoi votre série préférée, les filles, là? Desperate Housewife. Desperate Housewife. Comment, c'est quoi? Desperate Housewife. Housewife, c'est comme le chien. C'est une autre version. C'est une autre version. C'est les chiennes. C'est 5 chiennes qui se baladent dans en Californie. Attends, réessaye, Ilou, là. Desperate Housewife. C'est ça? Ah, non? Ouais, c'est déjà mieux, ouais. Mais pas du tout. Mais c'est desperate, c'est pas desesperate. Oui, non, c'est desperate, je dis, c'est presque ah ça. Ah ouais, non, ça c'est la bière. Effectivement, j'ai compris. Oh, c'est la despé, en fait, c'est ça, ouais, c'est desesperate aux wives. Oh là là, est-ce que c'est sérieux, ça, quand même? Oui, c'est sérieux, oui. Non, mais j'ai compris. Bon, et Kelly au standard, on verra s'il est un peu plus futé que Lilou ou pas. Moi, esprit criminel. Esprit criminel, ouais, d'accord, non, ok. Criminel, d'accord, ok, très bien. Et quand elles sont contentes, elles ont leur règle demain, ça y est, elles sont allées pour faire une petite fête et tout ça, elles sont contentes, c'est cool. Non mais c'est vrai, c'est bien. Bon, Manon, et toi, tu t'as regardé toi déjà Breaking Bad, la série dont je parlais tout à l'heure? Non, pas du tout. Moi, je regarde tout ce qui est télé-réalité et Merlin. C'est tout. Ah ouais, c'est ça. Donc toi, tu restes là-dessus. Bon, bah, très bien. Tout le temps. Bah ouais, c'est ça. Bon, et on va parler aussi dans quelques instants des malchances là avec Lucas. Lucas. Ouais. C'est quoi ta malchance, toi? T'es tombé sur une meuf comme Lilo qui regarde des trucs un peu bizarres à la télé? Non, je suis tombé sur une meuf qui m'a baisé la gueule, en fait. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? T'as des pratiques bizarres. Tu vois. On a, genre, on se raconte aussi qui en est bien et... Genre, j'ai pris son numéro et tout, on parlait pendant 2-3 semaines et elle arrivait comme ça, du jour au lendemain, elle ne me répondait plus. Ouais. Donc je suis arrivé, je commence à péter les plombs et je la harcelais, elle m'a dit que j'étais moche et tout. Moi, je ça ça commence plutôt mal hein, s'il te dit ça, hein, pour le coup. Hein. Ouais, mais de toute façon, tant pis pour elle. Oui, parce que tu es quelqu'un de bien et que quelqu'un d'autre te trouvera à un moment ou à un autre. Pour ça, j'ai pas eu le choix, hein, dans tous les cas. Non, pour le coup, effectivement, on est d'accord. Mais t'as genre, parce que là, pour le coup, t'as pas eu de bol sur ce plan-là, mais est-ce que, genre, t'es vraiment poisseux dans le domaine? Ben ouais, parce qu'il y a une fois aussi, ouais. J'étais parti à soirée avec des collègues, j'ai accosté une meuf et tout, enfin, soirée bien bourrée, j'arrive comme ça. Et j'ai fringalé une meuf, et la meuf, j'avais 50 euros dans ma poche et mon téléphone, et elle m'a niqué mon téléphone et mes 50 euros. Ah ouais, tu fréquentes des meufs. Ah ouais, putain, toi t'as vraiment pas de bol, effectivement, je te confirme. Ouais. Ah putain. Ah ouais, non, moi, je me suis fait douiller. Ah putain, ouais, en fait, toi t'es un. Ouais, c'est pas de bol, quoi, en fait, c'est ça, c'est vraiment poisseux. Ouais, c'est ça. Putain, t'en as d'autres comme ça, des petites histoires? Il y en a d'autres, voilà quoi, c'est surtout des gros râteaux quoi, genre soit t'es moche, t'es pas moustillé et tout ça. Ouais, mais je suis un chien sur toutes les meufs et j'arrive pas à m'insérer une, il est où le souci là? Bah c'est ça le souci, c'est que t'es en chien. Voilà, t'es en chien sur voilà, toutes les meufs comme chien. Tu dis, ouais. Il faut être plus classe mec. Exactement, il faut avoir la classe. Mais quoi, c'est les vêtements, c'est physique, c'est la coupe de cheveux qui va pas chez toi? C'est physique, je passe, parce qu'en fait, il y a une moustache que je rase pas. Parce que vire-la. Attends, mais on va lui raser là, vas-y, monte ta gueule là. Bah ouais, attends, tu veux que je te la rase, ta moustache là? Approche-toi du micro, du téléphone. C'est bon. Alors attends une seconde, parce qu'il faut que je la démarre là. Polo se refait barbier. Bah faudrait plutôt aller en slam. Ah mais on va tout cramer là. Ah mais il faut tout cramer. Attends, je fais les deux en même temps là. Oh ton père. Voilà. Attends. Voilà. Là t'es vachement mieux. Attends, là. Franchement là. Attends, on va épousseter tout ça. On va épousseter tout ça avec un peu pose caca s'il te plaît. Oui. Tu peux nous nettoyer. Voilà, y a plus rien. Voilà. Voilà. Bon, désolé pour l'odeur. Bon bah très bien là c'est vachement mieux quand même hein. Ah, quoique, attends, il y a quand même un petit peu aussi la coupe de cheveux là. Attends, je vais un petit peu couper ça. Ah ouais, tu rigoles pas toi. Ah bah non. Voilà. Non, ça va beaucoup mieux là. Ouais, très bien. Voilà. Parfait. Eh ben là, t'es un beau mâle là. Parfait. Mais ouais. Là, demain, tu sers, mec. Attendez. Oh! Qu'est-ce que je viens de dire? Interrogation standard, qu'est-ce que je viens de dire? Moi? Non, aux filles au standard là, Kelly et à Lilou, qu'est-ce que je viens de dire? Que Lucas, c'était pas grave, il allait aller mieux. Bien sûr. Qu'est-ce que je viens de dire? Parce qu'il faut savoir que vous êtes pas dans le studio et vous entendez probablement pas, mais ça. Il y a que ça au standard, hein. C'est que ça. En gros, c'est ça, écoutez. Voilà. C'est ce qu'on vit au standard. C'est ça. Je pense que c'est bien résumé. Donc qu'est-ce que je viens de dire les filles? Alors, on vous entend mal? On sait pas. Lilou, oui. Qu'est-ce que je viens de dire? Bah, que Lucas, ça allait aller mieux. Donc on se fout sa gueule depuis 3 fois déjà, il continue sur la même version. Hein, Non, c'est ça que t'as dit, mais tu te fous de ma gueule et tu veux pas m'écouter. C'est ça. Non, mais regarde pas, je te sauverai pas. Hein. Bah par contre, pour le coup, maintenant, je veux te le dire. Hein, effectivement, Lucas, ça ira mieux après, hein, une fois qu'on a refait tout ça. Là, maintenant, t'es un bel homme, t'inquiète pas. Bah. Bon, et bah merci de passer, en tout cas, Lucas, tu reviens quand tu veux. Ouais. Maintenant, je te fais des gros bisous également. Gros bisous partout, allez. À bientôt, salut à vous, ciao. Et puis on va prendre Fred aussi dans un instant là pour la malchance encore. On aura Julien pour pour la colle, ce sera dans un instant. Et puis Tof, toi qui aimes bien faire des sondages à la con là, oui. J'en ai trouvé un bon pour toi là. Ah. J'ai trouvé un sondage pour toi, 79% des Français ne répondent pas au sondage. Eh ben très bien, ça me paraît pas mal. Je vais vérifier immédiatement. Voilà. si les Français ont raison. Et vous, répondez-vous au sondage, justement? On va vérifier ça dans un instant. Si vous avez des numéros de téléphone à nous donner, n'hésitez pas, vous les envoyez directement. Vous appelez Kelly, par exemple, au standard, là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. N'hésitez pas, déjà encore debout à cette heure-ci, c'est mieux. On est au cœur de plus de 2 heures sans pub sur Fun Radio. Et ça, ça fait plaisir. Alors, cherchez pas sur les autres radios. Ça n'existe pas. Il faut toujours s'arrêter pour mettre de la pub tout le temps. Ici, on est à la cool. Il y a vous, il y a nous. Et il y a le son d'Influor de Fun Radio que vous avez choisi avec Carolina Marquez qu'on écoute maintenant. Sing la la la. Et puis il y aura aussi dans un instant le Chéri, je peux te faire cocu, nouvelle édition. Carolina Marquez sur Fun Radio, c'était Sing la la la. Bienvenue, si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat. Et si vous voulez prendre le contrôle... Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Exactement, c'est le numéro à composer, où vous soyez, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, on aura le Chéri, je peux te faire cocu dans quelques instants. Il y a Tof qui va appeler des gens aussi là, dans un instant pour le sondage. Sondage de ce soir, donc est-ce qu'apparemment 79% des Français ne répondent pas au sondage? Oui, c'est très mal. Bah c'est con quoi, c'est... Donc du coup on va les appeler pour ce sondage là, pour voir ouais, s'ils répondent ou pas au sondage quoi. Voilà, c'est comme 79% des sondés. Et... Bah on fait ça dans un instant. Et puis il y a des messages aussi qui sont arrivés, il y a Colin qui dit jamais eu l'occasion de répondre à un sondage. Bah voilà, ce sera peut-être l'occasion, va savoir. Il y a Miss Carter qui dit Mika, je regarde des photos, tu es vraiment trop doux. Comment ça, je suis doux? Comment ça? Doux. Steven qui dit pour la malchance, moi j'ai dragué une fille qui sortait avec trois gars en même temps. Wow. Ah oui, ça c'est pas de bol. Mathias qui dit elle se trompe de long et de large, lui il est fini à la pisse. Et effectivement, c'était dans les teubés de ce soir là. Colin qui dit Desperate Housewife, moi j'aime bien aussi. Daniel qui dit la série Spartacus est bien foutue également. Ouais, alors c'est énorme, c'est un peu sanglant mais c'est pas mal. Ouais, il y a Grasse aussi qui dit il y avait Scandale. Ouais, j'aime bien Scandale, c'est top ça. Mais dans le même style, il y en a une nouvelle là, qui est énorme, c'est House of Cards. Ah oui, j'ai pas encore c'est vu, ouais. Énorme. Mais alors, il y a Grace qui m'a envoyé un mail et donc elle aime bien Scandale, ok. Ouais. Desperate Housewives, ok, c'est une fille, pourquoi pas. Et alors, Les Feux de l'amour. Waouh. Alors, comment vous expliquer Les Feux de l'amour? C'est quand même une des rares séries où personne ne voit jamais l'entièreté du truc. C'est-à-dire que ceux qui ont vu le début sont morts. Ceux qui vivent aujourd'hui et qui regardent ne verront pas la fin parce qu'ils seront morts avant. Donc en fait, c'est comme la seule série où personne n'a vu l'intégralité de la série, quoi. Ça dure mille ans, ce truc. Ça dure mille ans, c'est long, c'est lent. C'est-à-dire que le mec, il ouvre la porte, il y a trois épisodes. Ah ouais, c'est vrai. Sur l'ouverture de la porte, il y a trois épisodes qui sont passés. Alors, je vous dis pas quand il y a un accouchement. Oh là là. C'est-à-dire qu'en vrai, ça dure 9 mois, là, pour 7 ans. Ouais. C'est un peu comme les éléphants, quoi, tu vois, c'est ils mettent bas dans la série. Oh non, c'est juste une horreur. C'est dingue, ouais. Il y a Joséphine qui dit tu pourras mettre Bakarmat avec Vandag, s'il te plaît. Ah bah pourquoi pas, tiens, attends, je vais te le caler là. Juste pas oublier. Oh, pardon, tant pour moi, c'était pas du tout une vanne, hein, mais je vais te le mettre, t'inquiète pas. Alors, on va se le mettre. On va se le mettre celui-là. Hein. Voilà. Nombreux à demander le son de Bakarmat là, vous l'avez découvert il y a 2 semaines sur Fun Radio. Là, Joséphine, on va te le mettre tout à l'heure, le son de Bakarmat. Il y a Lucie qui dit tiens, il y a Nadia qui est là ce soir, Prince Nadia sur le Twitter. Bah oui, elle est avec nous ce soir et elle demande si elle peut venir aussi. Bah oui, si tu veux, Lucie, hein. Après, t'as vu, on est là, tranquille. Bien sûr, plus on rit, plus on rit. Bah exactement, voilà. Et Colin qui dit écoutez Mickaël, alors que je viens de me faire plaquer par l'homme que j'aime, espérons que ça remette de bonne humeur. Mais c'était un connard. Et tu sais quoi, je lui mets un coup de lancin dans sa gueule. Et puis on est là, moi et Top. Mais oui. Voilà, exactement. Et tu sais quoi là, c'est tellement un connard, hein. Bah je vais le scier. Voilà. Voilà. Sale con. La colline. Non mais attends, ça se fait pas comme ben ça. Ouais. Je vais jusqu'au bout, j'en ai rien à foutre. Je vais lui couper le petit doigt. Moi je suis pas très bon scieur. C'est long pour un petit doigt. Bah ouais mais bon. Alors attendez. Parfait. Ouais. Là on est tranquille. On a bien senti le petit doigt qui tombe. Oui, le petit doigt est tombé, c'est fait. Donc voilà Colin, bah, bon courage à toi. Et puis bah, si tu veux on t'appelle, hein, comme ça tu seras dans l'émission avec nous. Bah, oui. Y a Mathias qui dit mais tant que le bout tu me sens n'est pas sorti, c'est pas trompé. Tant que le bout tu me turgescent peut-être n'est pas sorti, c'est pas trompé. Hank Moody de Californication, hein, c'était une citation, très bien, bravo. C'est ce grand homme. Exactement, et c'est un peu le dieu de Toff. Mais grave, c'est ma série préférée en ce moment. Et alors il y a Fred qui dit pour les séries, il y a aussi Kaamelott, il y a Lucie qui dit Mickaël, même fatigué, tu restes très beau. Merci Lucie. DJ Bobreux qui dit je suis pas le top tweetos, mais je suis le top co ce soir. Et en parlant de top tweetos, là on en est où Toff là, en termes de classement là? Est-ce qu'on a les résultats pour l'instant à minuit 17, à peu près à la moitié de l'émission là? Alors, donc... Alors Alors, numéro 5, ça a changé ou pas ? 2, 3, ouais, ça a changé. C'est qui numéro 5 maintenant là ? Alors, c'est Juju06530. Juju06530, bravo pour le top tweetos. Continuez d'ailleurs, hein, les autres, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël, que vous nous écriviez à nous, que vous écrivez entre potes, peu importe, vous mettez le hashtag Mickaël, et si vous êtes le plus influent sur le Twitter de l'émission, eh bien, ce sera vous tout à l'heure à 2h du mat, le top tweetos. Donc, et n'est plus première. Et Let's Be Freaks n'est plus première de nouveau, elle repère de nouveau là sur la fin du parcours, c'est dommage. Bon, bah, hashtag Mickaël, que je compte sur vous, et si vous voulez m'ajouter sur le Twitter, vous êtes les bienvenus, vous tapez Mickaël officiel. Si vous m'ajoutez, je vous ajoute également pareil pour l'Instagram. On a Nicolas avec nous maintenant, 18 ans de la Meuse. Salut Nico. Salut. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bah écoute, plutôt bien là, on est plutôt en bonne forme, minuit 18, si on est en direct, on plus de pub. On va t'arrêter pour excès de mollesse là. Bah ouais, là t'es un peu mou qui t'arrive. T'es un peu mou là ma gueule. Tu veux que je te scie ? De quoi ? Tu veux que je te scie ? Ouais, vas-y. Attends une seconde, je prends l'électrique là, tiens. Non, parce que la scie à main, c'est un peu long, quoi. Ah, bah là, il y a... Attends, et je vais cautériser, là. En même temps, comme ça, on est bon, là. Voilà, parfait. Ah, mais t'es mieux, là. T'es en pleine forme, là. Ah, t'es réveillé. Ouais, ça va, là. Ah, bah, on dirait pas, hein. Mets bon. Une patate dans sa gueule. Nicolas. Nico. Ouais. Voilà. Bon, de quoi tu parles, qu'est-ce qui t'amène ? C'était un sujet pour une masturbation, en fait. Un sujet pour une masturbation. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on t'aide ou... Tu veux ma main ? Hein ? C'est quoi l'histoire ? Il pose caca, il est comme ça, il se démonte pas, il y va. C'est quoi l'histoire ? En fait, j'étais en train de masturber dans ma chambre. Ouais. Et ma mère, au même moment, elle est rentrée. Ah ! Oh, c'est rien ! Mais c'est la nature ! Ouais, mais tu fais ça comment ? C'est-à-dire que t'es sur ton lit, la main et le truc à l'air ? Oh, le spécialiste, elle va du sens de toute la technique ! Non, parce que moi, j'ai... Ouais, vas-y, raconte. Quand ma mère allait rentrer, bah, j'ai un peu lâché l'affaire, quoi. Enfin, genre, et t'as fait quoi, du coup ? Parce que t'étais genre la main dans le calbut ou t'étais genre flag la bite à l'air ? Ah bah, en flag. Ah, en plein, ouais. Ouais, bah ouais, là. Et ouais. Tu regardais quoi ? C'était avec l'imagination ou devant un film de cul ? Non, des vidéos et tout. Puis après, ah ouais, donc là, tu peux même pas en fumer, quoi. Ouais. Tu peux pas nier. Ah ouais, là, il y a rien à faire. Dites-nous si vous êtes déjà fait griller, tiens, par vos parents, grands-parents, bref, frères, sœurs. Là, bah oui, si vous vous êtes fait griller en train de... Quand t'es sérieux, tu t'es fait griller en train de te branler par les flics ? Arrête ! Pas en train de me branler, mais en train de me faire sucer. Ouais. Non mais c'est pas vrai. Et sinon, j'ai des techniques à la maison pour pas se faire gauler. Hein. Oh là là. Bon, vas-y, c'est quoi l'histoire avec la police ? Bah en fait, j'étais sur une aire d'autoroute. Et donc on s'était arrêté pour voilà se faire un peu plaisir et tout. Ouais. Et donc la meuf commence à me sucer, machin. Et derrière, on n'a pas entendu qu'il y avait une bagnole, enfin, qui se rapprochait, qui se ils sont tous là, là. Hein. Et donc, en fait, les mecs qui. Ah, ça, c'est l'asile, ça. Les mecs, ils ont été. Enfin, c'était super drôle ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment collé leur bagnole à la nôtre. Et le mec, il a allumé les phares et les gyrophares avec la sirène. Je peux t'assurer qu'on a flippé un truc de dingue. Non mais t'es sérieux, comme le seul mec qui se fait griller comme ça quoi. T'es encore en train de niquer, bon pourquoi pas mais. Mais pourquoi qu'est-ce que tu te faisais sucer sur une aire d'autoroute ? Mais on avait fait je sais pas 4 ou 500 km et on avait envie de faire une pause pipe quoi. Une pause pipe, n'importe quoi, c'est les mecs qui vont faire une pause pipi ou ils vont se faire une pause glace ou une pause 10 minutes c'est boire un café. Non, ils se font une pause pipe. N'importe quoi. Bon et Nicolas du coup ta mère elle a dit quoi ? Non. Ma mère, elle était tellement choquée, elle a pris l'ordi et tout, elle a vu la vidéo, elle l'a lâché, l'ordi est cassé, puis elle l'a dit à toute ma famille. Oh merde, bah pourquoi elle a fait ça ? Ah non, pas cool. Bah non, c'est vrai, elle a pas été cool sur le coup, là, quand même. Ouais. Alors, elle a pu être vachement plus sympa, je trouve. Après tout, merde, ça va, c'est la vie. Ouais, mais la bonne technique, c'est que tu fais ça sous les draps, comme ça tu peux jamais être gaulé, quoi. Ouais, ça tu peux le faire, ouais. Moi, j'ai toujours fait comme ça, ça a toujours bien marché. Et c'est un spécialiste qui parle. Ah, ouais, là. Un grand spécialiste qui parle. Nombre de fois où j'étais à deux doigts de me faire prendre. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, bah, on en parle dans un instant. Dites-nous si vous vous êtes déjà fait gauler en train de vous masturber ou en train de faire l'amour avec votre copain, votre copine. Dites-nous, Lilou, elle s'est déjà fait griller ou pas ? Non, moi je pratique pas ce genre de choses, je suis une sainte. Non, je déconne. Ah, il me semblait bien. J'attendais que ça arrive comme ça parce que. Non, mais c'est vrai, il y a un moment, faut pas déconner. Hein. Bon, dites-nous. C'est pas Kilou, elle s'est fait prendre à la radio. Il hein. Y a des mecs sur ton. Non dessus, sérieux. Moi, je veux pas raconter cette histoire. Bah, mais arrête, c'est pas. On avait dit qu'on en parlait pas. Pardon, c'est sorti tout seul, désolé. Mais ouais, mais non, mais attends, c'est une folie ça. Ouais. Ah non, mais je savais pas, moi, j'en apprends les trucs ce soir mais avec. C'est privé, c'est ma vie privée. Avec Kilou, ouais, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, mais minuit 22, là, Nicolas, reste là deux secondes. On va revenir dans un instant avec toi et avec les mecs et les meufs là qui se font choper, justement. Vous balancez tous vos messages maintenant, 01 42 48 5000. Et Julien. Oui. Julien, on va se faire la réponse à la colle également, là, pour ceux qui veulent éventuellement participer. Et eh ben, c'est la dernière ligne droite, là. Vas-y, Julien, répète encore un petit coup la colle de ce soir, là. Alors, j'ai trois poussins et je veux qu'il n'en reste que deux. Je fais comment ? T'as trois poussins et tu veux qu'il n'en reste que deux, c'est bien ça ? C'est bien ça, ouais. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, bah à vous de jouer maintenant. Hein. Il suffit tout simplement, évidemment, d'envoyer votre message sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Non. Voilà, vous non, répondez en fait, à la petite question, à la petite colle. Il y a une photo avec l'iPod, l'iPod Nano a gagné la dernière génération. Et on fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Tu voulais dire un truc, Julien ? Ouais, je voulais dire par rapport à votre histoire de se faire choper. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ah, vas-y, vas-y, c'est quoi toi, c'est quoi l'histoire toi dans un hôtel club, j'ai ramené la fille dans sa chambre au lieu de la ramener dans la mienne. Et attends, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ramené la fille dans sa chambre, donc elle m'a ramené dans la sienne, au lieu que je la ramène dans ma chambre à moi. Donc forcément, la porte s'est ouverte et sa tante est rentrée. Alors j'ai eu de la chance parce que c'était sa tante. Ah oui, oui, oui, d'accord, ok, ah oui. Ah mais t'es con, t'as pas regardé les numéros? Eh ouais, exactement. Non, j'étais con, j'ai pas ramé dans la mienne, c'est tout. Ah, oui, t'as été con, ouais. J'osais pas te le dire, mais puisque t'insistes. Bon, eh ben écoute, on donne la réponse dans un instant pour le gagnant, là. Bouge pas de là. On va se faire aussi le chéri, je peux te faire cocu. Et, on va s'écouter le son de Florida, maintenant sur Fun Radio, au cœur de 2h sans pub. Florida, c'est maintenant sur Fun Radio avec Pitbull. Can't believe it, ça te branche? Voilà. Allez, on arrête. Ah bah, c'est parfait. I can't believe it. Sans pub pendant 2h jusqu'à la fin de l'émission sur Fun Radio, la Florida à l'instant avec Pitbull. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'après je vous cale le son de Bouya. Bah, on l'aime bien encore hein, celui-là, hein, encore que tu vas mettre là. Showtech avec Bouya et puis on l'avait demandé aussi Back Your Mat avec Van Dach. Ah, c'est hollandais hein, écoute. C'est bizarre. Van Dach. Van Dach avec le saxo là, on le mettra tout à l'heure là. Et puis il y en a plein qui demandaient aussi là, notamment c'est Clara ici qui voulait un coup de pipeau de Polo là. T'es prêt Polo là? Allez, on y tu va. Tu peux nous le faire celui-là en version pipeau? Ouais, pour Clara ici. Allez. Attends. Écoute-le bien. Attends, je le mets en bouche, en tête, en oreille. Ouais. Là ça fait tan tan nan nan nan, tu vois. Bon, refais-le en version pipeau pour voir là. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. 3 4 Quel talent, quel talent, quel talent, quel talent. Je sais pas quoi dire. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Il y a Colline qui dit franchement merci à vous, les seuls capables de me réconforter, de me faire rire après ça. Merci de vos cœurs, merci de tout cœur à vous tous. Bah de rien, Colline, toi, on sort ton mec, c'est un con. Une autre Colline là qui dit vous êtes des vendeurs de rêves. La Lilou elle est toute mignonne et puis la Messi de la vanne qui dit quand Toff dit j'étais à deux doigts de me faire prendre, je me demande si c'est vraiment une image. C'est quand il se disait qu'il s'était fait gauler par les flics en train de se faire pomper, ah en non, fait, là, c'est là, ça. Je me suis fait vraiment gauler, c'était à deux de faire prendre par ma mère. Ah, ben il nous racontera ça dans un instant. C'est sale, bon, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu dans un instant avec Séverine. Et puis en attendant, il y a Fred qui est avec nous pour parler de la malchance. Ouais. Bon, alors pour terminer sur la malchance, là, qu'est-ce que. T'es poisseux en quoi, toi, Fred? Ah, moi, poisseux en tout de ce qui peut arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire, explique peut-être en un petit peu plus de détail. Par exemple, je suis le droit de louper une marche. C'est genre tu montes l'escalier, paf, t'en rates une, tu te casses la gueule. Non, ça plutôt je descends et je me casse la gueule. Ah, tu descends, ouais, ça marche aussi. Ça te rappelle quoi, Toff? Il y a ça et puis. Il y a quelqu'un dans l'équipe, mais je citerai pas de nom. Ah, d'accord. Vas-y, et donc toi? Après, par exemple, si je vais boire en terrasse, bah, maximum de verres que je peux renverser, des trucs comme ça tout le temps, tous les jours, quoi. Moi ça m'était arrivé moi avec des verres aussi, il y en avait plein que je renversais directement, c'est toujours sur. Alors ça peut être n'importe quoi en fait, dès que je suis avec quelqu'un, mais c'est seulement en duo, mec ou fille, peu importe, tu peux être sûr que le verre il va se renverser. Ah ouais, ouais. Je sais pas comment ça. C'est genre pas de bol si tu t'assois sur la seule table où tu sais elle tient pas droite, donc tu pousses un moment sur le pied et paf le truc il vole. Mais ça vous est jamais arrivé, tu sais parfois tu dois passer entre deux tables et genre sur des terrasses et les dalles en dessous elles sont pas bien. Pas ouais, bien voilà. Et donc moi je suis passé et donc il y avait genre deux meufs plutôt bonasse et tout, et je suis passé et bah la table s'est repliée. Ça c'est quand tu veux te la raconter, t'as remarqué quand tu veux te la raconter quand il y a une meuf, il t'arrive toujours une merde. Toujours un problème. Ça m'a coûté deux verres. Bon, ça va encore ça. Oui. Ouais, mais t'as pas pu les pécho après. Non, mais elle s'était vénère. La meuf, elle avait une tache de, je sais pas, elle avait un truc, tu sais, un cocktail rouge qui est sur sa robe blanche. Je peux t'assurer qu'elle a moyennement un investissement dans le fond. Ah ouais, complètement. C'est juste pour me faire pardonner. Bah ouais. Bon, et de quoi d'autre, Fred? Bah après, du genre marcher dans une merde de chien en arrivant dans un magasin. Ouais, c'est pas mal, mais classique, hein, ça arrive à plein de gens, ça, marcher dans le caca. Et puis après, bah, tous les trucs au quotidien, voilà, des trucs basiques comme ça tous les jours, mais réguliers, quoi. T'as jamais fait la porte en verre? Non, mais se prendre une porte dans la tête, oui. Ah oui, d'accord. Ah, bon, bah alors d'accord, hein, si tu t'es pris une porte dans la tête, c'est pas mal aussi, effectivement, ouais. Bon, bah écoute, très bien, Fred. J'avais une manette balancée, c'est faisable? Ah bah, vas-y, avec plaisir, vas-y, alors, c'est quoi la balle? Alors attention, eh, hey, faut que tu sois bon, hein. Attends, d'accord? Ouais, y'a pas de soucis. Alors vas-y, on t'écoute. Alors comment tu fais jouer une vieille? Oh, je veux pas savoir. Comment tu fais jouer une vieille? Ouais. Bah écoute, je veux pas savoir, je me bouche les oreilles. Non mais écoute, Lilou, elle a une idée ou pas? Comment tu fais jouer une vieille? Une idée ou pas, Lilou là? En lui mettant un doigt? En toute simplicité, bah, c'est pas la bonne réponse. La classe vient de là-bas. Hein. Ouais, la classe vient du standard. Ouais. Donc c'est quoi, Fred, la bonne réponse? Tu lui arraches la croûte avec les dents et tu bois le pus. Oh non! Oh, quelle horreur. Mais Fred, tout ce que t'as mérité, c'est ça. Un coup de lance-flamme dans la gueule. Non mais sérieusement, Fred. Oh. Bon, Fred. Prado. Allez, ouais. Bonne soirée, Fred. Hein. Ouais, bonne soirée. À bientôt. Hein. Merci, Fred. Ouais, ciao. Merci pour ce cauchemar que je vais faire. Oh, quelle horreur. Bon, Nico, dans un instant, on va le récupérer là avec sa mère qui l'a chopé en train de se masturber. Puis minute 32 est en retard. Parce que c'est minute 30, hein, normalement, la bonne réponse. Là, c'est parti. On y va. T'es prêt, Julien? On y va. On appelle le gagnant ou la gagnante. Là, celui ou celle qui va repartir avec l'iPod Nano dans un instant. Ready? C'est parti. Allez, on appelle. Personne donc qui a été tiré au sort sur le Facebook de l'émission. Et puis je rappelle également que si la personne qu'on appelle maintenant ne décroche pas ou n'a pas la bonne réponse, c'est toi qui repars avec l'iPod Nano, Julien. C'est parti. Ça s'annonce plutôt bien, Julien, là, pour l'instant. Hein. Ah, allô? Allô? Ah, comment tu t'appelles? Bastien. Bastien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Salut. Bah, salut Bastien, est-ce que tu as la réponse à la colle que Julien va te répéter maintenant? Tout à fait, je l'ai. Alors j'ai vas-y, attends, Julien, vas-y, répète-la. J'ai trois poussins, je veux qu'il m'en reste deux, je suis comment? Trois poussins. Bah voilà. Non mais Julien, tu fous de ma gueule, c'est quoi cette réponse? T'as trois poussins, tu veux qu'il t'en reste que deux, c'est quoi la réponse? Tu en pousses un? C'est ça. Tu sais quoi? C'est tout ce que tu mérites. Voilà. Et par contre, toi, évidemment, bravo, Bastien. Tu repars avec l'iPod Nano, une dernière génération. Hein. T'as vu la photo sur le Facebook, évidemment, parce que t'as joué là-dessus. Eh ben, elle est là, donc c'est le même que tu vas recevoir, hein, tout simplement. Bravo à toi, Bastien. Cool. Je peux faire une petite dédicace? Eh ben, vas-y, profites-en, Bastien, là. Comme t'es là, c'est une seule personne, hein, c'est la règle. Hein. Attention, écoute bien. Vas-y. Je fais un gros bisou à mon amoureuse, Claire. Oh, ça marche. Bon bah bonne soirée à toi et passe une bonne nuit même plutôt. À bientôt. Hein. Et salut Julien, tu retentes ta chance quand tu veux. Hein. Moi je veux juste faire un big up à toute l'équipe de Fun. Oh bah c'est gentil. Et je vais juste faire un petit dédicace à Jules qui m'écoute, voilà. D'accord, bah le message est passé également. Bah bonne soirée, bonne nuit à vous deux. Hein. Okay, merci. À bientôt, salut à vous, bye bye. Dans un instant il y aura Chris également là qui lui aussi s'est fait choper par sa mère. Enfin bref, on en parlera dans quelques instants. On va continuer avec les séries aussi dans quelques instants. Promis, on va faire les appels parce qu'on a galéré pour avoir les numéros de téléphone. Là c'est bon, vous nous les avez envoyés, les appels avec Toff et son sondage. Mais d'abord bah, le sondage, c'était 79% des Français ne veulent pas répondre à des sondages. Mais on va vérifier. Bah, on va vérifier, on va enquêter là-dessus. Bah, en plus, en pleine nuit, vous êtes contents. Ah bah, c'est ah, ils vont être ravis, les gens. Et puis, en attendant, on accueille Séverine qui est avec nous, là. Comment ça va? Ça va. Bon, bah tant mieux, sois la bienvenue. Alors, le chéri, je peux te faire cocu de la semaine dernière, était quand même de toute beauté. Ah oui. Il était d'une violence assez quand même scandaleuse. Printanière. Hein, elle était quand même assez exceptionnelle. Il était exceptionnel, le chéri, je peux te faire cocu de la semaine dernière, ça donnait ça à peu près. Connard, là. Non, quoi, connard? Mais il est sérieux, le groupe PD, là. Voilà, donc il était en pleine forme la semaine dernière, comme vous avez pu le remarquer. Bon, alors, du coup, Séverine, donc le principe du chéri, je peux te faire cocu, évidemment, c'est que, bah, on appelle ton mec ou ton mari, enfin, je sais pas, vous êtes marié ou pas? Non, non, on n'est pas mariés. D'accord, donc on va l'appeler maintenant. Tu vas lui faire croire que que tu l'as pas encore fait cocu, hein, c'est pas ça, mais que t'as rencontré un mec, en l'occurrence moi, dans une soirée, enfin peu importe, et en gros, on sait plus, mais que je t'ai demandé si tu voulais coucher avec moi, et t'as dit que il fallait d'abord demander à ton mec s'il était d'accord, quoi. Donc juste un one shot. Donc tu sais, tu l'énerves en disant que finalement t'es quand même une fille honnête, parce que tu lui demandes à l'avance, quoi, tu vois, etc. Donc, ouais, parce que t'es vraiment un mec bien. Voilà, t'es une fille bien. Ouais, pardon. Parce que t'es une meuf bien, tout ça. Quoi. Est-ce qu'il est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Un petit peu, ouais. Parfait, c'est parfait. Bon, eh ben écoute, on va l'appeler. Alors, t'es chez moi, évidemment. Hein. D'accord. Il est où, là, lui? Donc, il est sur la route. Il va pas tarder à arriver à Paris. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'il va foutre à Paris? Il travaille? Il va voir sa maîtresse? Oui, travaille. Ah, d'accord, ok. En plus, c'est parfait, donc il est loin. Donc c'est. Ouais. Non, alors, s'il est loin, on va se donner rendez-vous chez toi. Ça va encore plus l'énerver. Ouais. Ok, d'accord. Okay. Allez, c'est parti, on y va. Bonne chance, Séverine. Et si jamais tu es bonne dans le domaine, tu repartiras soit avec stage de pilotage, soit du PS3, soit stage de cuisine. Enfin bref, on verra. D'accord. C'est parti. Allô? Oui, mon cœur? Oui, bébé, pourquoi t'es en privé? Oh, qu'est-ce que ça coule? Pourquoi t'es en numéro privé? Eh bien, j'appelle de mon portable parce que, du coup, comme il déconne, eh bien, du coup, c'est pour ça que j'appelle en privé, en fait. Ok, ça va? Ça va, et toi? Ça va, les enfants, ils dorment? Oui, ouais, du coup, je t'appelle, en fin de compte, parce que j'ai quelque chose à te dire. Voilà, tu sais, quand je suis sortie en boîte la dernière fois avec les filles, au Macumba, ouais. Oui, en fin de compte, j'ai rencontré un mec. Pardon? Oui, j'ai rencontré un mec. Et, j'ai mal entendu, là. Oui, et en fin de compte, donc, on va coucher ensemble. Là, il est à la maison avec moi. Attends, t'es en train de me dire que le mec, il est à la maison et les enfants, ils dorment à la maison? Oui, oui. Donc là, eh bien, du coup, on va faire un gros câlin, ça va être que du bonheur, quoi. Je vais te défoncer, tu le sais. Bon, c'est le Séverine, est-ce que c'est fini, là, au téléphone? Oui, bientôt. D'accord. C'est qui? J'arrive. Oh, bah, dépêche-toi, parce que moi, là, j'attends. Hein. Dis-lui qu'il ferme sa gueule, gros bâtard, là. Est-ce qu'il est d'accord? Vas-y, passe-me-le. Est-ce qu'il est d'accord? Oui, il veut me parler? Bah, moi, je le connais pas, moi. Oui, vas-y. Bon, bah, d'accord. Oui, allô? Ouais. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Comment ça, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Elle vous a pas expliqué, Mais j'en ai rien à branler de ce qu'elle m'a expliqué, il y a mes gosses chez moi. Ah non, mais ils dorment, hein. On a fermé la porte. Oui, mais j'en ai rien à branler, tu vas dégager, fissa. Ah, mais je comprends pas pourquoi vous énervez. Pourquoi je m'énerve? Parce que t'es chez moi, t'as rien à foutre chez moi, il y a mes gamins qui dorment. Oui, mais ils dorment, mais moi je les ai même pas vus, rassurez-vous, moi je suis discret, hein. Ouais, mais j'en ai rien à branler, tu vas dégager de chez moi, c'est clair. Bah sinon quoi? Bah sinon quoi? Sinon je te jure que si je te chante, mon gars, ça va mal se passer. Non mais je comprends bien, mais je comprends pas pourquoi s'énerver autant comme ça, là. Mais pourquoi je suis énervé? Attends, t'es chez moi, ma femme elle me dit qu'elle va coucher avec toi et tu crois que je vais le prendre en rigolant, que c'est d'accord la fête. Ah non, mais alors toutes mes excuses, non mais je savais pas, mais on va aller à l'hôtel alors. Non, mais il n'y a même pas question d'aller à l'hôtel. Non, moi je savais pas que le problème était... Je comprends, ouais, c'est vrai, j'aurais dû penser. C'est vrai qu'avec les enfants, ça se fait pas. Oh chérie, on va aller à l'hôtel alors, hein. Non, mais déjà, tu l'appelles pas chérie. Tu l'appelles pas chérie. Tu peux me servir un verre, là? Tu peux me servir un verre, là? Tu fermes ta gueule, parce que je te jure que je vais te défoncer, toi, derrière. Chez toi, là. Je te sers un verre. Très bien, et magne-toi, parce qu'on va y aller, du coup. Pardon? Allez, dépêche-toi. Sérieux, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et puis c'est bien comme ça, quand tu marches comme ça, hop là, je vois tes petites fesses se rebondir. Eh, je vais te défoncer. Allô, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu disais. Parce que j'ai entendu que ça parlait là, mais... Comment? Tu vas arrêter mes gamins, je vais te défoncer la gueule. Ah, pourquoi? Parce que je vais chercher le verre au lieu de parler là. J'attends depuis 2 heures. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est gourde. Mais t'es un branque, toi. Mais t'es un branque. Bon, je vais te défoncer. Comment ça? Mais je comprends pas. Pourquoi, enfin? C'est incroyable. Ferme ta gueule, repasse-moi ma femme. Bah, non, elle est partie me chercher un verre, là. Non, mais j'en ai rien à branler de ton verre. Mais dépêche-toi. Oh là là. Vas-y, je vais le défoncer. Mais qu'est-ce qu'elle traîne? Oh putain. Elle est comme ça avec toi aussi? Ou c'est juste avec moi?

Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Eh, connard, tu vas voir le connard. Connard, va. Connard, tu vas voir le connard. Connard, va. Connard, va. Tandis qu'il est rayé, mon gars. Connard, va. Bon, c'est hey, tout, tu te rends compte de la chance que t'as? Non, ça va, il veut nous faire croire qu'il travaille, là. Bon. Ouais. Bon, comment il s'appelle? Olivier? Ouais. Olivier, bon, allez, excuse-toi, là. Je m'excuse de quoi? Bah, pour toutes les insultes que tu m'as faites, là. Alors là, tu peux y compter, mon gars. Ah non, allez, excuse-toi, tu vas voir que tu vas pas regretter. Non, je m'excuserai pas, mais là, mon gars, t'as rêvé. Si, excuse-toi, là. Non, dis, non, je suis bon. Olivier, je m'excuse. Ouais, bah, alors là, tu peux te gratter. Ah, bah, non. Ah bah alors là c'est gagné. Et après je vais te dire un truc, après je vais te dire un truc, tu vas être content. Non mais je m'excuserai si. Pas, tu rêves toi. Excuse-toi, dis je m'excuse. Non, c'est mort. Dis pardon, je retire ce que j'ai dit. Non mais rien du tout. Bon Séverine, dis-lui et après il va le faire. Allez mais excuse-toi. Non. Non. Allez mais excuse-toi. Non, c'est tu m'excuser de quoi, pauvre conne. Mais excuse-toi. Pauvre conne. Bon Olivier. Quoi? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Ouais. Oh là là. Ouais. Alors il t'a traité de chèvre, de conne. Le pauvre. Ah ouais, c'est clair, il a pris cher là. Bon ouais. Olivier, t'inquiète pas, allez chez elle, enfin allez chez vous, les enfants vont bien. Mais vous êtes trop con, mais sans déconner. Je suis désolé. Ah tu vois que m'excuse. Je le savais que t'allais t'excuser. Oh, c'était bon. Bon, non, écoute. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir ton cadeau, parce que évidemment, elle, comme c'est une conne, hein, c'est toi qui l'as dit. C'est une chèvre. Voilà, c'est exactement. C'est une chèvre, comme tu l'as dit, tout à fait. Et donc, du coup, tu peux choisir ton cadeau toi-même. Alors, il y a soit des stages de pilotage en Ferrari ou Porsche ou je sais pas quoi, soit une PS. J'ai pas compris. Excuse-moi. Des stages de pilotage. Ouais. Donc c'est genre sur circuit, machin, tout ça. Soit une PlayStation 3. Ah, je vais prendre une petite pour mes gamins. Eh ben, très bien, parfait. Bon. Au moins, lui, il pense aux enfants. Exactement. Merci bien. Hein, elle pense pas qu'à se faire défourailler. Mmh. Ouais, c'est ça. La chèvre. Encore désolé. Hein. Non. Je t'avais dit, Olivier, que t'allais t'excuser. Hein. Je suis sur la route depuis 8h ce matin. Oh, là, je me tape la circulation parisienne, j'en ai plein le cul. Tu m'étonnes. Bon, et bah, écoute, bon courage en tout cas pour la suite. Et puis, merci bien. Bah, au moins, t'as eu un coup d'adrénaline. Mais maintenant t'es à la cool, tu vois. Ah ouais, mais là ça m'a réveillé, là, c'est bon. Sans déconner, ouais, sans déconner. Bon, bah, bonne soirée à tous les deux, et puis vous restez au standard, on prend les coordonnées, d'accord? Ok, salut, salut. Bonne soirée. Bon, et si vous aussi vous voulez, n'hésitez pas, hein, si vous voulez jouer, là, il n'y a pas de problème, hein, comme avec eux. Allez, bon esprit, hein. Ouais, très drôle. Ouais, toi, connasse, tais-toi. Oh là là là, mais c'est un ouf. Il y a Mrs. Carter aussi qui dit, je peux plus, je pleure de rire. Il y a Louis qui dit, trop bon, le bord de rire, j'adore. Mathias qui dit, tu vas finir par te mettre tous les mecs de France à dos, Mika. Oh, t'inquiète pas. Colin qui dit, chute, les enfants dorment. Bah, cette heure-ci, tu me diras, ils sont presque réveillés, note. Hein. Et le mec, il va craquer, Mickaël, tête de mort. Ah ouais, c'est vrai qu'il m'avait insulté de tête de mort également, j'avais oublié ça. Eh, ta gueule, tête de mort. Alors Mathias qui était un branque, toi énorme, lui il m'a vendu du rêve. La Brandon qui dit, mort de rire, trop bon celui-là, je vais te défoncer. Je suis plié pour les Be Freaks. Et puis Clara qui dit, quel jeu d'acteur. Ah bah qu'est-ce que tu crois, attends, on est doué ou on l'est pas, hein. Eh ouais. Attention, et en Michel, comment t'expliquer, que... Quelle star ce Michel. Ouais, qui est une grande star, effectivement. Bon, allez, restez sur Fun Radio, la minuit 49, juste après on fait les appels pour les sondages. Là comme ça on aura bien attendu qu'il soit bien tard. Voilà. Hein, comme ça les gens vont être bien vénères. Exactement. On va récupérer Chris dans un instant là, qui s'est fait choper avec sa mère. On aura Nicolas qui s'est fait choper aussi par sa mère en train de se branler dans un instant. Il y aura Dylan chopé par son père, Léa également. Et puis bah vous en direct, hein, si vous voulez nous appeler, un seul numéro, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, un autre numéro, 02 851 4x0. Vous l'aviez demandé tout à l'heure, je vous le mets maintenant, le son de... Showtech, c'est bouillard. That's all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. Et le son de Showtech à l'instant sur Fun Radio, je l'ai promis, c'était bouillard. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez encore fait les couilles longtemps, là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, bah justement, en parlant de cassage de couilles, je pense qu'on est, on tient une bonne dose là. Avec le chéri, je peux te faire cocu à l'instant. Là, il y a Ludovic qui dit, j'en pleure de rire. Là, c'était trop beau ce soir, le mec. Brandon qui dit, trop bon, le chéri, je peux te faire cocu. Et puis, fan de Mickaël qui dit, comment ça se fait pas là, le pauvre. Et Elise aussi qui dit, quelle violence. Waouh, mais ça va, après, t'inquiète, oh. Il est reparti avec sa PS3, là, il a déjà tout oublié, t'inquiète pas là. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Colin qui dit bouillard en mode mobilette de Toff. Ah bah ouais, bien évidemment, la mobilette elle est là, elle est au taquet là. En pleine forme la mobilette, elle démarre toujours ou... Parce qu'apparemment t'as été faire la révision aujourd'hui. Ouais, j'étais ce matin là. Ah t'as été ce matin? Ouais, sous la pluie, putain, un enfer. Ah bah tu m'étonnes, des mobilettes c'est ça. Hein. Voilà. Bon, et d'ailleurs, il y a la photo aussi de Toff qui s'est fait griller d'ailleurs. Il était en train de venir à la radio tout à l'heure et un auditeur l'a vu. Et il a fait une photo, la photo de la mobilette de Toff et de Toff sur la mobilette. À voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/michaelofficiel. Vous y allez, n'hésitez pas. Hein. Non, j'allais dire que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, évidemment. Je me demande si c'est pas un paparazzi qui a grillé Toff. Ah, peut-être. C'est pas une paparazzade ça, Toff? Peut-être. Parce que t'as, t'es, là, ouais, c'est possible. Là, c'est bizarre. C'est possible. Bon, Nicolas. Il est plus là ? Ouais. Ah Nicolas, très bien. Bon, toi tu nous as appelé parce que tu t'étais fait griller par ta mère, c'est ça, en train de te branler ? Ouais. Ça te dérange pas si on fait un petit sondage juste avant là ? 79% des Français répondent pas au sondage. Et donc on voulait appeler des gens pour voir s'ils répondaient au sondage. J'ai plus trop de batterie quoi, mais. Ah merde, attends, on va se finir avec toi alors Nico là, sinon ça va couper en plein milieu, t'inquiète. Bon, c'est vrai pour la batterie, hein ? Ouais, j'ai plus 6%. Ah, ça va, 6%, on a le temps, là, on a jusqu'à demain matin encore. 6%, là. Ça dépend de quel téléphone. C'est vrai aussi, ouais. Bon, Nico, donc du coup, tu nous avais appelé pour nous dire que tu t'es fait choper par ta mère en train de te branler. Du coup, elle l'a mal vécu, elle a fait tomber l'ordinateur sur lequel tu étais en train de mater un film de boule, c'est ça, hein? Ouais. Voilà. Fini les films de boule à la maison. Fini les films de boule, effectivement. Et donc, Toff a des conseils, puisque lui aussi a failli être à deux doigts de se faire griller par sa rhum. Ouais. Et attends, on n'a pas une musique conseil de Toff? Musique non. Conseil de Toff, là, tu un me. Un truc bien minable. Prends au dépourvu. Ah, je suis désolé. Alors, attends, musique conseil. Attends, je regarde. Parce que là, ah, si, j'en ai un. Il était vexé, là. Ah, bah voilà. On dirait qu'il y a un petit poney qui va sortir. Exactement. Bah, et écoute, c'est la BO d'un film, d'un vieux film français, c'était La Chèvre avec Pierre Richard et Depardieu. Voilà, attention, musique conseil. Donc oui, donc le premier conseil, c'est de toujours prévoir un vêtement qui est malheureusement tombé devant la porte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu ouvres, quand ta mère va rentrer, qu'elle va ouvrir la porte, en fait, le genre, si t'as mis un t-shirt ou si t'as mis un pantalon, ça va bloquer la porte. Et donc du coup, t'as le temps de tu vois, de remonter le pantalon, de machin. Enfin, il faut vraiment que ça reste bien, ouais, bien coincé. Hein. Non mais ça va, même si c'est un peu, tu vois, elle va le faire 2-3 fois, donc toi t'as le temps de réagir. Hein. Ouais. T'as le temps de réagir une fois qu'elle a ouvert la porte. Le deuxième truc, c'est de le faire toujours sous la couette. Ouais. Parce que du coup forcément ça crache un peu. Et comme ça quand t'as froid, hop, voilà. Ça réchauffe, ça fait chauffage. Exactement. Non mais tu sais, tu peux faire genre ouais, je faisais une petite sieste, j'étais fatigué, enfin bon tu trouves un truc. Donc il y avait un braquemar jusque. Ouais genre. Ouais mais ça se voit pas. Enfin je veux dire, à moins que vous ayez la bite qui fait 200 mètres, mais sinon ça se voit pas. 100 mètres. Con. Et alors un autre conseil ou c'est fini? Ouais sinon ça. Et donc ouais, toujours pas baisser le pantalon plus loin que mi-cuisse quoi. Ah, pour le remettre rapidement. Ouais, comme ça tu peux le remonter vite et t'as pas. Ouais. T'as vu, t'as appris quelque chose à Nicolas ou pas là? Ouais. Ah, c'était les conseils de Toff. Mais non, mais et alors ouais, un autre truc aussi, c'est vérifie toujours le son de l'ordinateur. Il a raison, c'est vrai. Ah, pas mettre trop fort. Non, parce que en fait, quand tu commences le film de boule, ça touche super fort. Mais dès que la meuf elle arrive, qu'elle fait. Ah ouais. Ah ouais, du coup ça gueule. Alors un dernier conseil, je m'incruse dans les conseils. Ah, la musique de Polo. En fait, c'est si tu mets un casque, ouais. Faites attention à pas tirer le casque. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ça parce c'est. Si tu... bah, faut pas mettre de casque parce que sinon, si ta mère arrive, tu l'entends pas forcément. Mais, non, mais en fait, tu regardes. T'es devant la porte, donc tu regardes la porte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut arriver d'un coup malencontreux dans l'excitation. Ouais. Tu peux débrancher le casque et là, mec, c'est violent. D'accord. Parce que t'entends. Ouais, c'est vrai, si ça va trop fort, c'est vrai. Toff, ouais. Encore un conseil ou pas? Non, c'était tout pour la branlette. J'ai d'autres conseils pour d'autres trucs, mais pour la branlette, c'est tout. Très bien, pour vous terminer aussi? C'est terminé pour moi. Bah, bon, non, bah... Si, un dernier conseil, si. Toujours prévoir des mouchoirs. Ah oui, bien sûr. Ne pas oublier mouchoirs. Ou une serviette éventuellement, là. Vraiment, si vous avez plus rien, une vieille chaussette. Bah, quelle horreur. Bien entendu que vous jetterez sous votre lit. Bien entendu. Pour un usage plus ultérieur. Voilà. Plus tard au cas où quoi. Moi j'ai toujours une chaussette qui traîne au cas où je serai en galère de mouchoir. C'est ça. Malencontreusement, bien entendu, évidemment. Oh, les point. Meilleurs conseils sont sur Fun Radio, vous avez pu vous en rendre compte. Bon, Nicolas, merci à toi d'être passé en tout cas. On va te laisser avec la batterie qui est presque morte là. Oui Nico. Ça serait bon, je pourrais le donner un petit cadeau. Ouais, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Kelly au standard, elle sera ravie d'ailleurs. Et je rappelle que si vous voulez choper, bon là, elle est déjà partie, mais si vous voulez choper les nouveaux stickers de l'émission, là, Lilou, Hello, loulou@funradio.fr. Et envoyez deux fois. Oui, envoyez deux fois. Et n'oubliez pas de mettre vos coordonnées. Voilà, donc loulou@funradio.fr. En attendant que Sandro revienne là pour choper vos stickers de l'émission, je compte sur vous, il n'y a pas de problème. Bah Nicolas, je te renvoie chez Kelly au standard, d'accord? Okay. Salut Nico, à bientôt. Allez, salut. Ciao. Dans un instant, on va prendre Chris également, qui lui aussi s'est fait choper là. Salut Chris. Allô. Ça va? Ça va l'équipe. Bon, tranquille. Salut. Bon, Chris, t'as de la batterie toi? T'as 5 minutes? Attends, je m'attends. Ouais, c'est bon, j'ai des barres de batterie. Parfait, parce que... Est-ce que tu réponds au sondage, toi? Bah, ça dépend desquels. Ça dépend lesquels? Bah genre je par exemple ceux qui sont payés. Genre ah ouais ah non ouais. Bah là non c'est mort là. Ah ouais t'es un crevard toi. Genre un trou du cul par exemple qui t'appelle à 1h du mat pour te demander si comme 79% des Français tu réponds au sondage ou pas. Ben je pense que 79% des Français ils vont t'envoyer chier. C'est possible. Possible, c'est bien. Bah écoute on va essayer quand même hein. Ouais. Bon, bon courage. Eh bah écoute on va essayer, il y a des auditeurs qui nous ont envoyé des numéros donc normalement ça décroche. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On y va, t'es prêt Tof? Moi je suis toujours prêt. Bon allez. Bah allez, c'est parti. Alors Chris bouge pas, on y va. Allez, je sais pas où on va du tout, mais c'est pas grave. En même temps, je trouve des numéros quand vous les envoyez des autres jours aussi. Hein, donc, si vous en avez envoyé, n'hésitez pas. Hein. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle, c'est pour un petit sondage. Oh non, je suis désolée. Bah attendez, je vous ai pas encore posé la question. Non, je suis désolée, je suis occupée, je peux pas... Non mais il y a qu'une question madame, donc ça va aller vite. Une question, bah oui. Vas-y. Voilà, je voulais savoir si comme 79% des Français, vous ne répondez pas au sondage. Et c'est ça le sondage? C'est ça. C'est un drôle de sondage quand même. Bah non, c'est une question madame. Oui, comme oui, je réponds pas au sondage. Ah donc, mais c'est-à-dire c'est votre réponse ou vous répondez pas? Je réponds, non, oui, je ne réponds pas au sondage. Donc vous répondez au sondage? D'accord, ah c'est une connerie, ok? Ah non, pas du tout madame, c'est une question sérieuse. C'est juste que je vous demande si vous répondez au sondage, vous me dites que... Alors oui, non, je ne réponds pas au sondage. Ah bah elle répond pas au sondage. Ouais mais on va la rappeler. Bah on va la rappeler encore un coup, effectivement, parce que ça se fait pas de raccrocher comme ça. Hein. Bah surtout à moi. T'es d'accord Chris? Ouais, complètement. Ça se fait pas là. Bon, on rappelle. Non mais attends, faut quand même pas décoller. Allez hop, c'est reparti. Bouge pas Chris, hein. Genre Aldor maintenant. Allez. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Non mais c'est une blague en fait, c'est genre la fesse ou un truc dans le genre quoi. Ah non, pas du tout, j'aurais bien aimé être la fesse mais malheureusement... En fait moi je vous appelle parce que j'ai une vraie question à vous poser. C'est de savoir bah, si vous... Bah est-ce que vous répondez au sondage oui ou non? Parfait. Eh ben, nous vous raccrocher, comme ça nous voilà bien avancés. Ah bon, ouais, on était bien là. Ben, on en appellera d'autres hein, tout à l'heure, donc bougez pas de là. Bon, Chris, alors toi, parlons de choses sérieuses. Comment ça se passe au niveau de « je me suis fait griller » ? Eh ben, ça s'est passé très bêtement. Je me suis fait choper par ma mère dans son propre lit, chez elle. Oh, mais qu'est-ce que t'as été fou dans le lit de ta mère ? Tu peux pas te branler ailleurs ? Mais non, mais je me suis fait choper. Oh, t'es un dégueulasse ! Ah non. Je ah me si. Suis pas branlé, je me suis fait choper avec la copine. Ah, ah ça c'est différent. Bon après dans le lit de ta mère ça se fait pas mais non mais. Non c'est dégueulasse, pas dans le lit de tes parents. Non mais ouais. Je suis d'accord mais t'as pas un lit? Mais non, c'était un petit appartement à ma mère, j'étais juste là vite fait, elle était partie. Ta copine hein. Vite fait quand même aussi. Une ah fois ouais, donc en plus t'es rapide. T'es gaulé, ça a calmé ça. Hein. Ouais, sans déconner. Vous étiez dans quelle position? En étant levrette. Ah oh là là là là. Bah en même temps on s'en fout. Mais si ça change tout parce que t'es si t'es juste. Ah attends, c'est des conseils ou pas? Non c'est pas un conseil, c'est juste que t'es si t'es. Parce que sinon j'ai la musique hein. Ouais mais non. T'es si t'es allongé, câlin, ça passe toujours mieux que tu vois si t'es levrette et là tu peux pas nier l'évidence quoi. Ah bah non mais là. C'est pas un sens retrait donc j'ai pas fait style pour me faire griller, j'y allais à fond. Hein. Quoique, c'est ce que je conseille toujours, c'est ne jamais avouer. Ouais. Hein. Ouais, enfin là c'est difficile quand même. Hein. Jamais. C'est-à-dire que si vous trompez. Maman, je lui mettais juste une petite claque sur les fesses. Voilà, si vous trompez votre copine ou votre copain, imaginons que vous êtes dans une autre meuf, votre copine ouvre ou votre femme ouvre la porte, elle vous voit, dites non. Non. C'est pas moi, je comprends pas, c'est quoi ton problème? Mais t'es en train de me. Mais pas du tout. Ouais, c'est des hallucinations. Voilà. C'est des hallucinations. Regarde, il y a un truc qui m'est poussé là. Voilà. C'est que la meuf s'est imbriquée en moi, je n'ai rien pu faire. C'est un extraterrestre. C'est un accident. Elle s'est construite autour de mon sexe. Voilà, c'est un accident, je ne comprends pas ce que vous me voulez là. C'était un accident bête. C'est bête, exactement. C'est comme, voilà, c'est un accident bête. Donc il faut vraiment continuer là-dessus. Bon, après, parfois, c'est peut-être un petit peu difficile comme ça de le vendre jusqu'au bout, mais normalement, enfin en tout cas, parfois ça marche. Ça a déjà marché pour des amis, hein. Je peux vous le dire, il y a déjà des potes chez qui ça a fonctionné, notamment un ancien webmaster à nous, chez qui ça a fonctionné. C'est lui d'ailleurs qui m'a dit de ne jamais avouer. Mmh. Bon, donc du coup, comment ça s'est passé avec ta mère alors? Bah donc du coup, je me suis rhabillé, je suis sorti de la chambre et puis j'ai eu le droit au petit serment de « qu'est-ce que tu foutais dans mon lit ?» Non mais putain, mais pourquoi dans son lit, c'est ça quoi? Ah ouais, pourquoi t'as pas fait ça dans ton lit ou... La pauvre femme. C'est parce qu'en fait l'appartement n'était pas très grand, ça faisait, c'était un deux pièces, il y avait une pièce à vivre et une chambre. Donc ouais, forcément. T'aurais pu te faire sur la table de la cuisine. Ouais, oh, la mère mange sur la table de la cuisine. C'était un peu grillé parce qu'en fait c'est un rez-de-chaussée et puis c'est dévitré. Ah oui, c'est. Pas de chance. Mais, et pourquoi t'as fait ça là? Parce qu'au final c'était chez ta mère quoi. Pourquoi t'as pas fait ça chez toi ou chez ta copine ou je sais pas? Ben c'est je sais pas, ça s'est présenté comme ça. Ma copine passait à l'improviste et puis forcément j'étais chez ma mère, elle était pas là, elle était pas censée rentrer avant midi et puis à 10h du matin elle a ouvert la porte. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ah ben on étudiait. Oui, je faisais la vidange maman. Non, on étudiait, c'était bio là, cours de sexo, voilà, c'est ça, c'est cours de sexo, c'est notre prof, il a demandé de faire ça. Et demain la cour pratique, donc on travaille, tu vois, il faut arriver à improviser. Parfois même dans le mur, faut y aller, hein, mais révision d'anatomie. Mais bon, je suis un peu devenu tout blanc d'un coup. Ah oui, mais ça non, c'est ta copine qui est devenue toute blanche. Oh, elle était bonne, non? Là, elle est bien. Le petit whiz. Voilà, elle était bien placée, bien comme il faut. Bon, attends, on va prendre Léa également, là, qui est avec nous, l'Aquitaine, là. Salut Léa. Ah, salut. Comment ça va? Salut. Ça va, et vous? Bah, non, tranquille, hein, on est bien, là, 1h05 du mat, là, pas de pub depuis soir, là, on est plutôt à la cool. Plutôt à la cool. Et toi aussi, Léa? Ouais, je suis affalée sur mon lit comme un sac à patates. Comme une baleine. Comme un sac à patates. Bon, eh bien, sois la bienvenue le sac à patates, Léa. Bon, alors, toi, tu t'es fait griller aussi, toi, par tes vieux en train de te toucher ou en train de coucher avec ton mec ou ta copine? Non, peu pas moi. C'est non, quoi? Non, pas moi. En fait, ça m'est arrivé, mais avec deux potes à moi, en fait, c'est pas... la première fois dont j'en ai parlé, c'est... Bah, il y a un ami à moi, en fait, il s'est fait griller en train de se branler dans sa mère, en fait. Sa mère, il est en train de se branler dans sa mère? Non! Non, parce que c'est ça que j'ai compris, ça m'a terrorisé sur le moment. Il était sur le lit de sa chambre et sa mère, en fait, à la base, elle est en train de regarder la télé et tout ça, et tout à coup, elle débarque dans sa chambre, elle fait « faudrait que tu ranges ta chambre !» Et tu rangeras ta bite par la même occasion. Hein, tu vas nettoyer toutes ces dégueulasseries là, hein. C'est ça. Bon bref, et elle rentre et tout ça et il lui fait « Mais bon, faudrait que tu ranges ta chambre. » Bon, et après il lui fait « Non mais tu fais quoi là ?» Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il répond toujours pas et après il fait « Bon bah, ça c'est ta mère. » Elle sort, elle claque la porte. Elle va appeler son père et tout ça. Ouais, tu savais que ton fils il faisait des trucs pas nets et tout ça là où. Des trucs pas nets. Attends, ouais, on devrait demander au doc qui irait. Oui, mais c'est la vie, son corps change. Oui, il faut t'astiquer ouais, de temps en temps. C'est ça. Ce n'est pas bon. Faudrait que je lui pose la question d'ailleurs. Effectivement, si effectivement tu ne fais pas sortir le juge, oui, on peut dire ça comme ça. Hein. Est-ce que c'est mauvais ou pas? Ah, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait dégorger le poireau au moins une fois par semaine. Bah, écoute, non, mais ça se dégorge automatiquement. Il y a un système qui fait. Oui, que ça normalement, il y a le tremplin. C'est comme dans les éviers, il y a le tremplin. Donc, on demandera au doc demain. Tiens, j'aurai une question pour lui. Tiens, à la fin, au début de l'émission. Bon, bref. Et donc, Léa, donc du coup. La mère, elle a directement été tapée scandale chez le père. C'est ça, et après, bon, bref, son père, il débarque et tout ça. Non, mais il fait, non, mais tu fais quoi là? Non, mais tu faisais quoi et tout ça? Et le cul, il répond, mon ami, il répond toujours quoi? Il fait, bah, je fais des choses naturelles et tout ça. Et après, il fait, ouais, ben, des choses naturelles, tu pourras les faire ailleurs. Ah, mais où il va aller pas à l'hôtel juste pour branler quand même, les rigolos de la mère. Parce que ça revient cher la branlette, hein. Bah, c'est ça. Bon, à la limite, Après lui avoir passé un savon et tant de vent, ils n'arrêtent pas de discuter de ça et blablabla. Du coup, il m'appelle, il me fait « Je suis dans la merde ». Et après, je lui fais « Non, mais pourquoi t'es dans la merde ?» Et après, il me fait « Ma mère m'a chopé ». Quoi, tu fumais du shit ? Non, je me branlais. Ah bon. Ta elle est en train de faire... Elle t'a chopé en train de faire quoi? Et après, je sais, tu étais en train de branler. Et après, j'ai fait, ah, ok, bah au pire, tu me passes le numéro à ta mère, je l'appelle. Et comme, en fait, souvent, je m'amuse à le chauffer juste pour m'amuser, en fait, pour le fun. Je suis bizarre. Bref. Et donc, mais j'ai pas compris le rapport avec la mère. T'as dit que tu veux appeler sa mère? Ouais, c'est ça. Je lui ai demandé de me passer le numéro à sa mère. D'accord. Et tu l'as appelé? Oui, je l'ai appelé. Après, je lui ai fait « Oui, bonjour, madame. Vous avez cherché votre fils en train de se voiler, non ?» Et après, elle me fait « Non, mais vous êtes qui vous? C'est pas vous, Nyang ?» Et après, elle me fait « Moi, je lui fais bah, « Si, ça me regarde. Ça me regarde parce que c'est de ma faute. C'est moi qui étais en train de le chauffer. En fait, j'ai fait exprès de lui envoyer trois tonnes de messages. » Oh, c'est encore pire, ça, non? Oui. C'est encore pire. T'as non, fait pire que fait, mieux, là. En fait, comme sa mère, elle est cool, en fait, elle fait... Du coup, en fait, elle m'a engueulé à moi. Et, en fait, je me suis tout pris sur la gueule. Avec, j'ai envie de dire c'est dégueulasse, ouais. Mais c'est pas d'accord. Non, mais, en fait, je me suis tout pris sur la gueule. En fait, elle me disait « Ouais, tu pourrais pas faire ça à d'autres garçons. » Non, mais là, un problème, sa mère. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'elle veut qu'elle fasse? Qu'il fasse un homme d'église? Non, mais tu vois, vous pouvez pas faire ça à un autre garçon, bah, elle devrait plutôt être contente. Bah oui, mais oui, ça va faire son éducation. Bah moi, non, mais c'est vrai. Moi, si j'avais des enfants. Mais quel âge il avait, lui? Ah, lui, il a 16 ans et demi. Non, mais attends, et la mère, elle vit dans le monde des bisounours, quoi, 16 ans et demi, le mec. Et même le daron, il l'a fait quand il était petit. Mais oui, attends, ils se foutent de notre gueule, ils sont ouf. Eh, dites-nous, vous, tiens, est-ce que vous avez déjà fait griller, là, les mecs et les filles, j'attends vos appels, là, 01 42 48 5000, et pour la Belgique, 02 851 4x0. Bah, merci beaucoup, Léa, en tout cas. Hein. J'ai une autre anecdote aussi, mais ça par contre, j'ai rien pu faire. Alors, bouge pas, tu vas nous expliquer ça dans un instant. Chris reste avec nous, on aura Dylan également. T'es là, Dylan? Ouais. Parfait, bouge pas, on va parler avec toi là, reste avec nous. On aura Yann aussi dans quelques instants. Vous toutes et vous tous, n'hésitez pas. Et puis on va encore faire des appels dans un instant pour voir si, bah, comme 79% des Français ne répondent pas au sondage, est-ce que ceux qu'on va appeler vont répondre à ce sondage justement. Et il y a Mathias qui dit aussi, ouais, parce que l'appel qu'on avait fait tout à l'heure, il y a la meuf dit, ouais, mais vous êtes la fesse, c'est ça, on est à la radio. Et en fait, il y a Mathias qui dit, vous êtes la fesse, il aurait dû dire, non, je suis pause caca. C'est quasiment vrai. Si tu es pareil. C'est vrai. Il aurait dû. Et Colin qui dit, pauvre Vilou, courage avec les mails, je te soutiens, t'es trop attachante. Ouais, bah c'était par rapport aux stickers, hein, si vous voulez les stickers de l'émission. Lilou, L-I-L-O-U, @funradio.fr avec vos coordonnées. Mathias Kili. Deux mails, ouais. Énorme la musique des conseils de Toff. Ouais, les conseils de Toff, c'est ça. Mais il y a DJ Bobruc. Conseil sur quoi? Ah bah je sais pas, réfléchis dans un instant. Ah bah bien sûr. Voilà, il y a DJ Bobru qui dit Toff le spécialiste de la branlette. Miss Carter qui dit vous m'avez dead là, c'est ouf. Et alors Let's Be Freaks qui dit putain la vieille chaussette elle est mythique. Ah bah ouais, et puis surtout dans un état. Je peux vous la ramener si vous voulez. J'en sais rien. sans façon. Bon, on l'avait demandé sur le Twitter tout à l'heure là, le son de Bakermat qu'on va écouter maintenant avec Van Dyke. C'est hollandais. Et je rappelle que si vous voulez choisir un titre hein, ce soir avant 2h du mat, n'hésitez pas comme chaque soir. Hashtag Mickaël sur le Twitter. Rappelle également que tout à l'heure. Alors on élira le top tweetos, le top 5 en tout cas de ceux qui sont les plus actifs sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter en ami sur le Twitter, hein, sur l'Instagram, si vous voulez me suivre, moi aussi je vous suivrai. Eh bien, il suffit simplement de venir, vous tapez Mickaël officiel, vous me faites un follow et moi je vous follow également. N'est-ce pas Nadia qui est venue là? Je le fais, hein. Oui, complètement, oui. Voilà, car je... complètement followé. Exactement, totalement. Bon, allez, bonne nuit tout le monde, là, minuit. Donc, il est 1h12 déjà, on est en direct sur Fun Radio, en direct un peu partout avec vous toutes et vous tous. C'est Mickaël No Limit et on est là dorénavant tous les soirs jusqu'à 2h du mat. I have a dream. Bakermat à l'instant sur Fun, vous êtes nombreux à demander ce que c'est là-bas. Bakermat, on vous a fait découvrir ça il y a deux semaines avec Van Dax et Hollandais. Il y a fan de Mickaël aussi qui dit Mickaël, je kiffe le saxo là. I am a dream. Non, c'est I have a dream. Il y a DJ Bobru qui dit moi, ma mère est entrée dans ma chambre quand je couchais avec ma copine pour ramener mon linge et repasser. Oh merde, putain. C'est la mère qui fait encore un truc sympa, tu vois. elle te ramène le linge et tout, c'est plutôt sympa. Bon, ben on va reparler dans un instant avec notamment avec Léa, avec Chris, avec Dylan également et puis avec vous toutes et vous tous hein, si vous avez je sais pas, des petites expériences comme ça là, est-ce que vous êtes déjà fait griller par votre copain, copine, papa, maman, frère, sœur, peu importe, en train de vous branler ou en train de coucher avec quelqu'un, n'hésitez pas. Vous appelez maintenant le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On fait encore un petit appel pour les sondages? Allons-y. Puisque je rappelle que 79% des sondages, des Français, pardon, ne répondent pas au sondage. C'est ça. Voilà, enfin, n'aime pas y répondre. Donc on va appeler pour voir si effectivement ils y répondent ou pas. Allez, c'est parti, on y va, on rappelle. C'est parti. heureusement qu'il y a des auditeurs qui nous ont envoyé les numéros. Parce que déjà, comme ça, ça ne décroche pas des masses. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, c'est pour un petit sondage. Ah oui, vous avez vu l'heure? Bah oui, et en fait, je voulais vous demander si, comme 79% des Français, vous ne répondiez pas au sondage. Non, mais c'est une plaisanterie ou c'est sérieux, là? Ah non, c'est sérieux, monsieur. Non, bah écoutez, j'ai pas envie d'entendre des conneries comme ça, moi. Ah oui, mais enfin, monsieur, moi, je vous appelle pour vous poser une question, pour y répondre. Mais non, je suis pas obligé. Personne m'oblige à répondre à des questions, des conneries pareilles. Hein. Bah, monsieur, ce n'est pas une connerie. Moi, ah bah écoutez, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. On va le rappeler, le monsieur, il avait du mal à s'exprimer, là. Allez, c'est bon? Ouais, vas-y. Mais je ne suis pas obligé de répondre à ces questions. Je ne suis pas obligé, on rappelle. Allez, c'est parti. Je ne suis pas obligé. Oui, excusez-moi monsieur, mais on a été coupé. Non, c'est moi qui ai raccroché. Bah ça se fait pas monsieur, enfin, moi je vous appelle, vous me raccrochez au nez. Et alors? Eh ben ça va recommencer, hein. Ah oui, car je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Bon, on rappelle encore dans quelques instants d'autres numéros si vous en avez à balancer. 01 42 48 5000, vous laissez le numéro de téléphone de gens que vous êtes certains qui sont encore debout à cette heure-ci, évidemment. Et 02 851 4x0, bien entendu. On va également parler des zones érotiques dans un instant. Tiens, Léa. Oui. C'est quoi, toi, la partie du corps chez un homme que tu trouves la plus attirante, sexy, érotique? J'en ai deux. Dis-moi les deux alors, c'est bon aussi. Le torse et les fesses. Le torse et les fesses. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Non, c'est pas mal. Non, c'est vrai, c'est pas mal. Alors, parce que sur le sondage, en fait, c'est les lèvres qui sont vues comme la partie la plus érotique du corps. Ouais, c'est possible. Ça dépend où elle les met, quoi. Merci. Sinon il y a ouais non ça c'est chez les filles. Ah merde, attends, je me suis gouré, autant pour moi. Donc pour les filles là c'est ça. C'est la bouche qui arrive en première position. Il y a la nuque en deuxième position. Il y a aussi les seins et les tétons qui ont la cote, hein, 7%, enfin 70%, pardon, je voulais dire. Et alors le cul effectivement, hein, 4 sur 10, 40%. Donc t'es dans les 40%, Léa. Ouais. Voilà. Et toi, Chris, là, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu kiffes chez les filles? J'ai les fesses. Moi, je regarde plus une belle chute de rein. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Hein. Une belle chute de rein. J'ai les fesses. Une belle chute de rein avec des bonnes veines. Attends, Léa, on dérange pas là? Non, non, c'est pas. C'est le truc de la couverture qui me fait chier. Ah d'accord, parce que comme tu racontais ta life là, tout ça, je me suis dit bon, peut-être que tu vois. Elle a de la place pour moi, sur la couverture. Oh, tout de suite, là, l'autre, il est intéressé, là. L'autre, il est intéressé. Chris? Oui? Elle a 16 ans, te casse pas. Ah, merde. Désolé. Voilà, donc toi, c'est la chute de rein, c'est ça? Ah ouais, moi, c'est la chute de rein, une belle chute de rein. Avec des longs cheveux qui descendent dans la chute de rein. Oh ah ouais. là. Mmh. Tu peux te tirer en levrette, je suis entièrement d'accord. Ah, super. C'est ça. Super. Ouais, tu comprends pourquoi je me suis fait choper en levrette. Voilà. Elle avait des bons cheveux longs et tout. Ouais. Une belle descente de cheveux. Ah, ouais. C'est dommage, tout ça, elle se fait griller par sa mère. Mon pauvre. Je compatis au drame de ta vie. C'est un peu comme avoir une Ferrari et être en ville limitée à 30 km/h. J'aurais pu faire l'excuse que je me suis fait choper à cheval avec la belle croupe que j'avais. C'est vrai, tu aurais pu, mais ça aurait aggravé ton cas, à mon avis, Chris. Bon, et toi, Dylan, c'est quoi la partie préférée chez une fille? Les lèvres et les seins. Les lèvres et les seins. D'accord, ok. Alors ça aussi, c'est bien classé, ça. Hein. Les seins, c'est 75%, c'est ça. Et alors, évidemment, les pieds n'arrivent qu'à 10%. C'est normal, c'est pas excitant un pied. C'est tellement laid. Il y a des beaux pieds. Hein. Non, mais c'est quand même très rare. Hein. Non, moi je dis un beau pied dans une belle chaussure, dans une belle botte, d'accord, mais pas dans un pied. Dans une tongue, c'est ce que préfère Toff. Ah, dans une tongue. C'est-à-dire que la tongue et les ballerines, c'est tout ce que je déteste. Ah, franchement, je préfère encore les tongues que les ballerines. Vite fait alors. À devoir choisir en tout cas. Bon, Dylan, dites-nous, tiens, ce que vous préférez chez les filles, chez les mecs, là, c'est quoi que vous regardez en premier? C'est quoi qui vous attire le plus? Merci, Paulo. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce que vous trouvez le plus beau, le plus érotique chez une fille? Pareil aussi chez les mecs. Vous balancez vos messages maintenant, vous mettez le hashtag Mickaël. Et puis sur le Twitter, évidemment, sur le Facebook aussi, on va mettre le post dans quelques instants. Et puis sinon, vous appelez le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Alors, Dylan, dis-nous tout là. Tu t'es déjà fait choper là? Explique tout. Bah ouais, je me suis fait choper par mon père en fait. J'étais avec une amie à moi dans ma chambre Et en fait, j'ai oublié de fermer la porte et ben, mon père il m'a pris en flag en fait. Wow. Et tu faisais quoi avec la meuf? Ben, je lui touchais un peu le clito. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est embêtant, c'est gênant en général. Et ton père, il a dit quoi? Il a fermé la porte et j'étais très très gêné. Après, mon ami est parti. Ouais, bah oui, forcément, t'étais gêné, tu m'étonnes. Et il m'a un peu fait la morale, il m'a demandé si bah, elle avait la pilule et tout. Et, voilà, ah bah c'est bien ça, non mais ça ouais. C'est bien, c'est mieux qu'avec le copain de Léa là, ou ta mère qui dit oui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, 16 ans et demi, qu'est-ce qu'il fait ouais. Alors là c'est plutôt bien, non mais là il s'inquiète pour voir, c'est pour éviter les emmerdes, si t'y as pas pensé quoi, tu sais, la pilule, capote, tout ça, non mais franchement moi c'est une bonne réaction ça. Ouais. Si, ça va, j'ai les capotes et tout. Bon, bah, très bien. Non, mais voilà, après, il s'est inquiété. Non, moi, je trouve ça une bonne réaction pour le père. Et, mais il t'a fait la morale, ça a duré genre 3 heures ou. Non, 10 minutes. Bon, bah, voilà, oh, ça va. Après, il était fier. Non, mais après, il t'a pas pris la tête. Bon, la première fois que j'ai ramené une meuf à la maison, ma mère, elle m'a saoulé. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai ramené une meuf et tu me dis, c'est pas un hôtel, tu te crois où? Tu crois que tu vas ramener combien de filles à la maison? Ah non, ça a été un scandale, après je peux jamais ramener de filles à la maison. Ah bah il vaut mieux. Hein. Je fais non, c'est bon, je vais plus à la maison, maman. Ah, c'est ça, t'as... Bah, moi elle a réussi. Hein. Oui, c'est vrai, au final. Débarrassé. Ouais. Et toi Léa, c'est quoi la deuxième histoire que t'avais nous raconter? Une amie à moi en fait, normalement, c'est pas... sa mère en fait, elle adore le foot et tout ça, du coup en fait elle part un match. Ouais. Et normalement, elle ne devait pas rentrer avant un bon moment. Et donc, elle est avec son mec, elle l'a fait tout ça, sa première fois, tout ça. Et sa mère, en fait, elle rentre pile quand ils ont fini, son mec, il part à la douche et tout. Et sa mère, elle arrive et après, elle entre tout à coup dans la chambre, elle fait « Ouais, j'ai une super mauvaise nouvelle. La mère, elle fait « Ouais, j'ai des boules, le match, il a été annulé et tout, là. » Et elle balance son pote sur la tête à mon ami. Elle et elle fait après elle remarque non mais qu'est-ce que tu fous dans le lit là, qu'est-ce que tu fous, et après elle lui fait non mais t'es à poil, et après elle voit le caleçon du type sur le lit, après elle lui fait c'est quoi ça Maria, c'est quoi, et bon bref, puis à ce moment-là il y a son père qui arrive et il y a son mec qui sort de la douche. Ouais, mais ça t'arrive de terminer tes phrases, Léa, parce que en fait à chaque fois on reste sur notre fin, parce que tu racontes un truc et puis tu termines pas en disant ouais bon bah enfin bref, et puis tu passes à autre chose et on se dit bon alors on connaît pas, mais peut-être que la suite ça va nous donner la réponse, alors qu'en pas du tout en fait, hein, parce que là l'histoire c'est qu'il y a une meuf, il y a la mère là, qui est fan de foot, elle a été, elle a pas été, elle est revenue, elle et a puis elle a trouvé un calbut, le mec dedans, puis après autre chose, mais on sait pas du tout quel est le lien et tout ça là. Bon ok, je vais réessayer. Bon, Evie, et enlève tous les trucs qui servent à rien. Hein. D'accord. Vas-y. Donc, sa mère rentre du match de foot. J'ai rien compris. Ouais. Donc, la mère, à mon ami, elle rentre de son match de foot, là, même s'il n'a pas eu lieu. Elle bah, donc, fait, elle rentre pas du match de foot, il n'a pas eu lieu. C'est ça. Elle lui balance son poète-poète sur la figure. Elle lui fait, mais elle lui balance quoi? Son pompote. Son poète-poète. C'est quoi du poète-poète? Les poètes-poètes, tu sais, c'est les trucs là qu'on appuie sur au niveau derrière, là, des trucs en caoutchouc, ça fait poète-poète là. Tout. Mm-hmm. Mais est-ce que tu as fumé un truc illicite, Léa, avant de nous appeler? Rappelons que la drogue, c'est pas, mal. Bon, oui. Bon après, tu fais, non, mais qu'est-ce que tu fous dans le lit? Et elle la voit à poil et tout ça. Et voilà. Mais qui est à poil? Mon ami. Elle est à poil dans son lit. D'accord. Hey, t'es mort, est-ce que vous avez vu cette vanne de merde? Le chat. Ouais, je lui ai rendu service, j'ai préféré pas. Ah, moi je suis à l'enfoiré avec j'ai bien vu Polo, j'ai bien vu. Donc la meuf, la copine est à poil dans le lit. Oui. Et ça me. Putain, j'ai cru que t'allais me dire, ah bah c'est tout. Parce que là, là par contre j'aurais été bouche bée, tu vois. Bon vas-y, donc continue. Sa mère, elle aperçoit le calbut sur le lit et elle lui fait non mais c'est quoi ça? Et puis le moment où elle dit non mais c'est quoi ça, il y a son mec qui sort de la douche, il est encore à poil et tout ça. Ouais. Histoire passionnante. Parce qu'il manque une finalité là. J'attends. Et son mec il lui fait le mec il fait à sa mère, il fait désolé madame et tout ça, il a même il met vite une serviette autour de sa taille. Oui, parce qu'il est arrivé le bout à l'air. Ah, oui. Ouais c'est ça. Non, parce que les détails importants, tu les zappes un peu, mais... Ouais. Bon, bref, il a poil, ok. Bon, ça, je crois qu'on s'en doutait un peu à moins qu'il douche habillé, mais bon, ça m'étonne. Ouais. Non, mais toi, quand je sors de la douche, j'évite de me balader avec la, la tube à l'air, tu vois, juste pour les voisins, des fois, qui regarderaient par la fenêtre, quoi. Donc, il sort de la salle de bain, il met vite une serviette autour de sa taille, il fait « Oh, désolé, madame ». Il y a pile à ce moment-là, il y a le père à mon ami qui débarque dans la chambre, il fait « Bon ». Il lui fait « Bon, je suis dans la merde, là ». Bon, il essaie de se barrer, et en fait, il est même pas encore habillé. Où son père... C'est pas fini, père là mon... Le père à mon ami lui fait « Tu pourrais t'habiller avant de partir quand même, non ?» Après, elle fait « Oui, oui, monsieur, je m'habille tout de suite », et il se casse. D'accord. Léa, c'est doux, là Léa, si je peux te donner un conseil dans la vie, n'essaye pas de faire écrivain, tu as trop de mal à raconter ces histoires. Écris un film, Léa. Non. Non. Tu devrais, non, franchement, hein, parce que comment t'expliquer que je me souviens de la meuf qui revient du match de foot qui n'a pas eu lieu. Avec le poète-poète. Le poète-poète et une meuf nue dans le drap, dans le lit. Enfin, en même temps, on se moque de sa gueule, mais David Lynch fait des films. Hein, donc... C'est vrai. Et à partir du moment où il y a eu la meuf nue dans le lit, j'ai zappé l'histoire, je ne sais plus du tout ce qui s'est passé à la fin. Mais waouh, putain, ouais, quelle histoire de ouf. Ah, dingue. Ah non, mais là... En fait, je me sens un peu comme la première fois que j'ai vu Mulholland Drive. Ouais, ouais, putain, quel film de merde, ça. Alors, si vous n'avez pas été voir Mulholland Drive, déjà, vous avez bien fait. Mais vous pouvez surtout aller le télécharger. Oui, hein, je pense qu'on peut le dire parce que ça mérite pas d'être acheté. Donc, juste pour voir, si jamais vous comprenez quelque chose, vous me dites. Il y a un moment, c'est tout ce que je me souviens du film, c'est-à-dire qu'il y a une route, il fait noir, il y a une voiture qui avance, on comprend rien. Tout d'un coup, alors là, est-ce que je me suis endormi, est-ce que je me suis réveillé genre une heure après, je ne sais pas. Tout d'un coup, il y a une maison en plein milieu de rien qui brûle, la voiture fait marche arrière et la maison brûle plus. La boîte rouge. Oui, mais parce qu'en fait, il parle par symbole. Ouais. Tout est symbolique dans ces films. Non, mais c'est vrai, son symbole, ce serait, enfin, je serais bien qu'il ne fasse plus de films. Ça, voilà, un gros fuck. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une idée. Et le pire, c'est qu'en conférence de presse, il y a un journaliste qui a osé lui demander ce qu'il a voulu raconter. Et il a fait, je ne suis pas là pour vous expliquer le film. Et voilà. C'est pareil. Il a pas tort. Donc. Bon, bah, Léa, merci en tout cas d'être passé, hein. De rien. Et avec plaisir, hein, tu reviens la prochaine fois, t'écris une histoire et tout, tu nous racontes, hein. N'importe quoi. Ah, j'en ai raconté une, mais non, rien. C'est une histoire de cul, en fait, mais je sais pas. T'as encore une histoire? Non, mais c'est une histoire de cul, et en plus, j'ai pas les papiers. T'as pas les quoi? J'ai pas les papiers sur lesquels j'ai griffonné ce truc sur la main, sous la main. Ah, t'as fait une histoire, mais tu t'en souviens pas par cœur, là? Si, mais on laisse tomber ça. Je vous le dirai une prochaine fois. Non, non, non, non, mais moi, j'insiste, j'aimerais bien le savoir avant 2h du matin. Avant la fin de l'émission, j'aimerais avoir une histoire. Le problème, c'est qu'on va finir l'émission avec elle. Non, mais je sais pas... Attends, je vais voir. Bon, ben réfléchis. Réfléchis, on va te reprendre dans un instant, puisque de toute façon, on va encore faire des appels là, pour les sondages. Okay. Bouge pas de là, Léa. Dylan, un truc à ajouter? Non. Non. Eh ben, tu reviens quand tu veux, Dylan. Je pourrais avoir un Paxen. Ouais, tu vas gérer ça avec Kelly au standard, pas de problème. Salut, Dylan. Merci. Allez, bonne soirée à toi, à bientôt. Chris, encore un truc à ajouter également? Ben, moi, j'aurais bien voulu faire une petite dédicace et gratter un petit truc au standard au passage. Eh ben, vas-y, pour la dédicace à une seule personne, choisis la bonne. Alors, je fais une dédicace à la petite Lita de l'Apple et Christopher, voilà. Très bien, bah le message est passé, t'en as fait deux du coup. Eh ben, je vous remercie à tous, bonne soirée. Avec merci. Plaisir, tu restes au standard, on va te filer le pack fun également, là, comme tu voulais, pas de soucis. Salut Chris. Salut, merci. Ciao, bye bye. Allez, on revient dans un instant, on va faire les appels encore dans quelques minutes. Et puis on va s'écouter le son de Will.i.am et Miley Cyrus. Alors attention, je vous ai mis sur le Facebook aussi, fin d'après-midi, là, vers 6-7 heures, le nouveau clip de Miley Cyrus. Elle est dans un état de sexitude. Ah putain. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est nue. Bon, on voit rien, mais elle est nue quand même. Oh là là. Et puis, il y a un moment, le reste, elle est là avec des espèces de grosses boules. Enfin bon, bref. Je vous en dis pas plus. Allez voir, c'est sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Et Miley Cyrus, on va l'écouter aux côtés de Will.i.am maintenant sur Fun Radio. Un truc à dire. MIKL, appelez MIKL. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et appelez-nous, hein, vous êtes les bienvenus si vous voulez délirer avec nous. Prenez le contrôle de Fun Radio, on est là jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs. Et puis je vous ai mis sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, le petit, pas le sondage, mais en gros, qu'est-ce que vous trouvez le plus érotique chez les filles et les garçons? Est-ce que c'est les fesses, les seins, le visage, enfin je sais pas, n'importe quoi. Balancez vos réponses donc sur le Facebook maintenant, facebook.com/MIKL officiel. Il y a DJ Brubru qui dit coup de lance-flamme sur la gueule de Kiki et Guillaume qui passe leur temps à picoler et à geeker. Bah, avec plaisir, hein. Tiens, un coup de lance-flamme. Voilà, sur les deux, comme ça c'est fait. Il y a Laurine qui dit, ce qui m'attire le plus chez un mec, ce sont l'abdomen, les tétons, les biceps et les yeux. L'abdomen. Les tétons. Chez un mec? Ouais, c'est bizarre. Bizarre quand même, hein. Bon, bah bon, très bien, Laurine, hein. Martine aussi qui a envoyé un message. Marine, pardon, excuse-moi, c'est les fesses de mon homme. Moi, ce que je trouve le plus beau pour Colline, ce sont les yeux. Il y a Pierre qui dit les fesses. Il y a Jonathan qui dit les yeux, clairement et uniquement les yeux d'ailleurs. DJ Bobru qui dit la zone la plus érotique pour moi, c'est le ventre. Ah bon, Let's Be Fussy dans le cou, ça c'est érotique. Elise qui dit les mains, ouais, ça c'est érotique. Clem aussi, la bouche, la nuque, le cul, je suis d'accord. Et Brandon qui dit moi chez les filles, ce sont les yeux et les fesses. Et chez toi, il y a Nadia qui est passée nous voir ce soir là. Nadia qui vous retrouvez d'ailleurs, hein, sur le Twitter, hein, c'est la prince Nadia quand elle réagit. Alors c'est quoi la zone la plus érotique chez un mec pour toi? Bah je lui escache, c'est l'entrejambe quoi. Donc les bites, la bite quoi? Bah oui. Et oui, une bonne grosse. C'est pour ça que t'es pas du tout attiré par Toff. Entre autres. Non mais ça va, je ne me suis pas vexé. Voilà, c'est ça. Il y a Let's Be Flex qui dit faut arrêter de m'exciter avec vos zones érotiques, je suis seul, moi j'ai pas Toff sous la main. Oh bah c'est mieux parfois. Il y a un fan de Mickaël qui dit moi c'est les pieds. Oh quelle horreur, moi je peux avoir un blocage là-dessus, je déteste les pieds, c'est une horreur. Attends, c'est quoi aussi Mathias qui dit Mickaël, t'es entêté ou pas finalement? Parce que tu me dois encore une dissection de Toff. Ah bah écoute, j'ai pas suivi si on est passé en top tweet ou pas. En même temps, c'est vous les top tweetos ce soir, hein. Comme tous les soirs, on va jouer avant 2h du mat. On va élire le plus j'ai oublié. Influent, c'est le mot que je cherchais, merci. Le plus influent sur le Twitter avec le hashtag est Mickaël. Voilà, donc si vous avez éventuellement envie de jouer, les 5 premiers, on les donnera tout à l'heure, ce sera dans une vingtaine de minutes sur Fun Radio. Retour avec Léa dans quelques instants, et avant cela, nous avons Yann avec nous maintenant. Salut Yann. Salut, comment ça va? Bonsoir, ça va bien et toi? Ben ça va tranquille. Bon, tant mieux. Alors Yann, tu nous appelles pourquoi, dis-moi? Ah ben, parce qu'il m'arrive une petite histoire un peu dégueulasse. Dégueulasse, ben, ça, bon. C'est bien parce que tu le vends bien, tu vois le truc. Ouais, c'est dégueulasse. Bon ben vas-y, dis-nous, c'est quoi l'histoire dégueulasse? Ben en fait, j'étais en train de faire l'amour avec ma meuf. Ouais. Et donc baiser, tranquille, elle prenait du plaisir et tout, puis d'un coup... Je sais pas, je regarde au niveau d'en bas et puis qu'est-ce que je vois? Du sang sur la bite, quoi. Oh, oh, oh, dégueulasse. C'est... Bah, mais c'est règle, quoi. De suite, ouais, voilà. Donc, de suite, je suis sorti, je suis vas-y, casse-toi. Bah, non, tu vas pas lui dire casse-toi, t'es con, quoi, Yann. Attends, c'est la nature, après, elle a pas choisi. Hein. Bah oui, mais c'est vrai. Après, moi, je l'ai prévu, je me dis que t'aurais pu le dire avant, quoi, parce que... Non mais après tu sais parfois ça arrive comme ça, elles savent pas, tu vois, c'est oui. Parfois ça arrive, tu sais, parfois c'est genre ça doit arriver genre le mardi là, et puis bah parfois ça arrive le lundi. Non mais c'est vrai, Kelly va me répondre mercredi. De quoi mercredi? Tu l'as dit mardi, c'est demain que j'aimerais. Ouais non mais c'est un exemple. Ouais, c'est un exemple, ça non, peut arriver avec fois, un peu ça d'avance. Ça peut arriver dans la nuit ou un peu Voilà, du coup si elle a pas prévu, toi tu l'as acheté comme une vieille merde. Ah ben moi j'ai prévu, c'est sûr, c'est pas de sa faute après. Bah ouais, mais non, mais d'accord, mais attends, Yann, c'est comme si toi tu. C'est comme si toi tu. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? C'est compliqué, là j'ai pas d'exemple. Ouais, là j'essaye de trouver un, mais. Je me suis. J'ai été dans une direction où j'aurais peut-être pas dû aller. T'embrasses une fille et tu lui vomis dessus. Bah c'est pas de ta faute. Ouais, merci, Polo, là. J'avais pas d'exemple, mais j'aurais pas pris celui-là. Dégueulasse. Dégueulasse. Bon, et donc Yann, du coup t'as plus de contact, tu l'as viré la meuf? Ah bah pas longtemps après, ouais, c'est terminé. Ouais. Ah putain, mais pas à cause de ça quand même. T'es un ouf. Non, pas à cause de ça. Tu sais qu'il y a des mecs qui adorent, hein. Il paraît que c'est vachement plus sensible, les meufs arrivent vachement plus à prendre du plaisir quand c'est pendant les règles, paraît-il. Hein. Ouais, mais sous la douche ça passe bien. Ouais, après sous la douche, ouais, faut pas regarder en bas, mais après ça existe, ouais. Ouais, non, mais même avec l'eau et tout, ça va, ça canalise bien. Bon, les mecs, les filles, là, venez nous dire si vous avez déjà eu l'occasion de tester, de faire l'amour pendant la mauvaise période du mois, justement, là, vous n'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, vous nous appelez également, il n'y a pas de problème. Il y a Laurine qui dit, j'ai vraiment du mal à vous quitter, vous m'attirez tel un aimant, désolé, un coup de lance-flamme dans la gueule. Bah non, Laurine, là, en plus, t'arrives pas à nous quitter, je vais pas te dégager avec un coup de lance-flamme, Laurine. C'est bien, reste avec nous, c'est cool. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme... Continuez, donnez-nous vos messages là, je vous attends. Les filles, les garçons, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon Yann, tu restes avec nous? Ça marche, pas de soucis. Ça t'est déjà arrivé toi, Léa, ou pas? Non, pas spécialement. Jamais arrivé de... Enfin, si, mais sauf qu'à chaque fois, ça s'arrête. En fait, c'est bizarre, ça se bloque. Et après, ça recommence. Et c'est chiant. Et après, ça recommence. Oui, en fait, dès que pendant le passage à l'acte, en fait, ça se calme et tout ça. Ouais. Parce que dès qu'on arrête, en fait, ça recommence et ça, c'est chiant. Oui, c'est vrai que parfois ça peut recommencer. Mais en fait, est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Dans le sens où, apparemment, vous avez plus de plaisir quand vous faites ça pendant les règles. Ouais. Non, je sais pas, je demande, hein, parce que moi, on m'a dit ça, donc dépend. Après... Ça dépend des fois, pas tout le temps. D'accord, non bah voilà, c'était juste ce que je voulais savoir. Bon bah très bien, parfait. Bah écoute, du coup, on pose la question aux filles, hein. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Vous nous dites, mesdemoiselles, pareil aussi, vous pouvez réagir en mettant le hashtag Mickaël sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter, pardon, et sur le Facebook également. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Léa, quelle était la suite de ton histoire? Enfin, ton histoire que tu avais inventée, là, histoire de cul. Ouais, je l'ai retrouvé, mais c'est de la merde. Non mais vas-y, laisse-nous juge. Bon, donc, l'histoire, ça c'est bon. Je zappe le début parce que c'est un truc complètement con. D'accord, donc, c'est bien déjà. Tu as suivi nos conseils puisqu'on t'a dit d'aller droit au but, donc c'est bien. Du coup, ça commence à partir de Lucien Bessamonspring. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais, demandais-je le souffle coupé. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, marmonna-t-il en écartant les jambes. Je m'étais attendu à beaucoup de choses, mais pas à cela. Donc, je m'ai tué, eux, toujours en colère contre moi. Donc, tu l'as dit, répondait-il, d'une voix étouffée, alors qu'un profond coup de langue me fit vaciller sur mes jambes. Ouais. Je m'apprêtais à dire que c'était là une manière déloyale de combattre, lorsque Lucien me saisit par la taille. Attends, mais tu t'as écrit ça quand? Je sais plus. Parce qu'il faut réécrire. Hein. Ah oui, attends, Polo qui est un écrivain, lui. Ah oui, c'est... Grand écrivain. Allez, non, mais il faut tout réécrire, là, c'est à chier, là. Si tu veux des conseils, Polo, il va t'aider, hein, t'inquiète. Ah hein. Oui, mais on comprend. Non, j'aime bien écrire. Ouais, mais non, arrête, fais autre chose. Non, non, faut pas arrêter, faut t'améliorer, par contre. Allô. Oui. Je crois non, mais suicidé, il faut le réécrire. Il faut le réécrire, faut peut-être mettre un peu plus de... Ça dépend, c'est quoi, c'est une histoire de cul, en fait. C'est une histoire de cul, ouais. Non, rien, laisse-moi. On sait pas, en fait, on sait pas de qui tu parles. Non, voilà. Ouais, on fait voilà, mal là, je parlais pas. Donc, je zappe. Mais non, Léa, on est là pour t'aider. Je suis écrivain professionnel. Oui, ouais. J'ai dit, je zappais un passage parce que c'est pas important. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, ben donc, du coup, ce qu'il faut. C'est l'histoire de cul, c'est ça? C'est une histoire, c'est une fiction. C'est ça. Ouais, sinon. Non mais je sais pas, je demande, moi je c'est une connerie, j'avais écrit ça parce que je m'ennuyais alors. Hein. D'accord, non mais voilà, mais après il faut travailler. Et regarde Californication, ça va t'aider pour le coup, vraiment. Hein. Non mais c'est vrai. Je connais pas. Californication, c'est une série avec David Duchovny, celui qui faisait X-Files. Elle est juste énorme cette série. Dans la série est super bien, ouais. c'est l'histoire d'un mec aussi qui parle que de cul, qui fait que du cul, c'est David Duchovny. Et en fait il est écrivain aussi dans la série. Et il n'écrit jamais, tu remarqueras. Ouais, il écrit rarement, mais ça peu importe. Bah mais si t'aimes bien, franchement je te la conseille. Et regarde Léa, tu me diras. Ok. D'accord. Ok. Bon, je compte sur toi, je te fais des bisous Léa. Ouais, bisous. Tu bisous. Oui, bien sûr, pas de problème, je te repasse Kelly au standard. Merci. Salut Léa, je t'embrasse, salut. À bientôt. Salut. On aura Jonathan dans un instant, t'es là Jonathan? Ouais, je suis là. Bon, parfait, toi aussi t'as fait un truc pendant les règles, on en parle juste après le petit sondage. Ça marche, bon, touche pas de là, petit sondage, donc 79% des Français déclarent ne pas répondre au sondage. Oui, et c'est mal, je trouve. On s'en est bien rendu compte là pour l'instant, hein, parce que personne n'a répondu à notre sondage. Et c'est triste. Bon, on va rappeler, on va vérifier. Hein. Allons-y. Allez, c'est parti. Dernier appel, hein, parce qu'après il va être tard. Enfin, il est déjà tard, mais... Ah ben ça ne sonne plus, c'est parfait. Bon, attends, on va rappeler, c'est pas grave. Hop là, pourquoi ça ne sonnait plus? Attends, est-ce qu'on a fait le bon numéro? Bon, c'est pas grave, on va vérifier qu'on a fait le bon numéro en attendant. Jonathan? Oui, je suis là. C'est quoi ton truc, là, sur ce que tu as fait? Alors voilà, c'était un soir où mon ex a me dit qu'elle voulait que je fasse un petit cuni. Donc forcément, je suis descendu. Et à un moment, je suis revenu parce que je trouvais ça vraiment dégueulasse. Et elle m'a dit, mais non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, continue, ça fait du bien. Donc je suis redescendu. À un moment, je reviens, c'était pas possible, je trouvais ça vraiment horrible. Et, attends, elle voulait que tu fasses un cuni pendant ses règles? Bah en fait, elle savait pas qu'elle avait ses règles parce qu'après, elle s'est mis un doigt. Et elle me sort, ouais j'ai mes règles. Oh et là, c'était horrible, vraiment horrible. Oh putain ouais. En effet. Oh non. Ah non, autant là, je peux imaginer faire l'amour, pourquoi pas, mais pas le cuni. Je suis désolé, ouais, il faut quand même pas. Moi, non mais pas je me doute. Et... Ah, c'était horrible. Bah, je me doute bien que tu savais pas, encore heureux, mais oh putain. Et alors, comment t'as réagi? Bah, j'ai couru dans la salle de bain, je me suis brossé les dents et je me suis dit que j'allais vomir, quoi. Ah non, mais c'est dégueulasse, putain. Ouais, complètement, ouais. Et elle était genre, était gênée ou elle s'en fout? Bah, ça la faisait rire. C'est ça le pire. Et ça la faisait marrer, t'es contente? Ouais, c'est ça. Bah écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas, c'est assez ouais. Original. Très ouais, bien. Original, ouais. Bah non, mais ouais. C'est. T'imagines, t'as vu Yann, ça peut être pire là. Oui. Ah ouais. Parce que toi, c'est encore c'est juste la pénétration là, t'as vu ce qu'il y a eu en plus là? C'est atroce. Oh mec, c'est l'angoisse totale là. Ouais, dites tout les filles aussi, hein, 01 42 48 5000, j'attends vos appels. Et 02 851 4x0 pour la Belgique. Bon bah merci, j'attends. Hein. Du coup, t'es encore avec cette fille ou pas aujourd'hui? Ah non, non, du tout. Tu l'as viré à cause de ça? Non, non, ça s'est fini au bout de 2 ans, mais bon, c'était très bien. D'accord, ouais, non, mais ça peut être bien, effectivement, aussi, ouais, d'accord. Bon, bah écoute, merci, Jonathan, tu reviens quand tu veux. Hein. Bah, ça marche, merci à vous. Avec plaisir. C'est cool de passer à l'antenne, quoi. Bah écoute, quand tu reviens quand tu veux, t'es chez toi ici, y a pas de problème. Ça marche, merci. Salut, salut. Allez, à bientôt, Jonathan. Yann reste avec nous, on aura Mathieu aussi dans quelques secondes. Et puis, bah, on va encore faire un petit appel, on va vérifier que le numéro était bon parce que ça sonnait dans le vide alors que c'est un auditeur qui nous l'a donné. Donc, normalement, quelqu'un devrait décrocher. On fait ça dans un instant sur Fun Radio. Bougez pas de là aussi, puisqu'il y a plein de messages qui arrivent également. Là, il y a Élise qui dit non, mais les chatons, c'est juste du sang. Non, mais d'accord, Élise, on est d'accord, on est conscient que c'est juste du sang. Mais quand même, c'est-à-dire quand t'es pas prévenu, et même quand t'es prévenu, ça peut perturber. Oui, c'est horrible. Il y a Clem aussi qui dit perso, ouais, je préfère quand j'ai mes règles. Ah bah, comme quoi, finalement, j'avais raison, je suis un spécialiste. Et Lorraine qui dit j'ai vraiment du mal à vous quitter. Ah bah, je l'avais déjà lu, Lorraine. Bah, écoute, j'espère que t'es encore là, en tout cas. Hein. Plein de messages aussi qui sont arrivés. Je vous ai demandé quel était l'endroit du corps humain, garçon ou fille, que vous trouviez le plus sexy, le plus érotique. Voilà, je vous ai demandé de répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/emiquelofficiel. D'ailleurs, venez encore nombreux et nombreuses pour répondre justement à ce petit mini-sondage que j'ai mis sur le Facebook. On va les lire dans quelques instants en direct sur Fun Radio. Le temps d'écouter le son de Duck Sauce maintenant sur Fun Radio avec It's You. Bonne nuit tout le monde. Il est 1h47 au cœur de plus de 2h sans pub. C'est Mickaël No Limit sur Fun Radio jusqu'à 2h. Duck Sauce à l'instant sur Fun. C'était It's You. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. On Fun Radio. Et plein de messages sont arrivés. Angélique qui dit alors, qu'est-ce qu'on vous regardez chez les mecs et les filles, justement, qu'est-ce que vous trouvez de plus sexy? Angélique qui dit les yeux et les fesses. Il y a Arnaud qui dit les lèvres, les yeux, les seins, les pieds, les reins. Enfin, tout chez une femme. Toi, t'es en chien, Arnaud, toi. Kevin aussi, sur le Facebook, toujours, qui dit de beaux yeux et un beau visage. Qui dit de belles formes également. Et les fesses, évidemment. Donc, tout, quoi. Il y a Joris qui dit moi, ce que je regarde en premier, le visage, tout simplement. Le reste, c'est le corps, hein, tout simplement. Bah oui, forcément. Bah oui. Arnaud qui dit le corps de par ses courbes, tout simplement également. Irena qui dit son sourire pour voir s'il a de belles dents et son regard également. Marjolaine qui dit ses fesses, ses mains, son regard et bien sûr sa bouche. C'est Johan, pardon, qui dit chez un garçon, ce qui est super érotique comme chez une fille, je trouve, c'est le regard. Bah ça dépend, parce que tu peux avoir un regard de pervers, un regard dégueulasse, il y a plein de trucs comme ça aussi. Il y a Joséphine qui dit l'arête entre les abdos et le pubis, c'est trop sexe. Ouais, faut avoir des abdos, quoi. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais le trou du cul, moi? Oui, on l'a déjà dit. C'est pour ça que tu m'aimes. Ouais, c'est ça. Tu as déjà dit. Bon, on va, avant de continuer de parler de ça avec Yann et Mathieu, on va continuer les derniers petits sondages, là. Allez, on y va. 79% des Français, eh bien, ne veulent pas répondre à des sondages. Et donc, depuis tout à l'heure, on les appelle pour voir si, effectivement, ils veulent bien répondre à ce sondage. On appelle, c'est parti, on y va. Attention, composition du numéro. Parfait, ça sonne. Allez. Oui, je sais, il est tard. Mais j'y crois. Oui. Oui, bonsoir madame. Il est tard. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle, c'est pour un petit sondage. Très tard. Oui. Voilà, je voulais vous demander, est-ce que comme 79% des Français, est-ce que vous ne répondez pas au sondage? À cette heure-là, non. D'habitude, non. Ah non, donc non, vous ne répondez pas au sondage. Non, vous avez vu l'heure qu'il est? Bah oui. Mais je vois pas le rapport, madame. Il y en a qui travaillent le lendemain. Oui, oui, d'accord, mais bon, c'est pas la question, en fait. Moi, je vous demande juste si vous répondez au sondage ou pas. Non, parce que ça nous dérange. Mais parce que je travaille à domicile et ça nous dérange tout le temps. Voilà. Et là, ce soir, vous nous dérangez. Bah oui, mais enfin, madame, faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle gentiment. Non, mais j'essaie d'être poli avec vous, là. Bah, pas tellement, quand même. Non, parce que là, vous me dérangez. D'accord. Mais donc, est-ce que comme 79% des Français, vous répondez ou pas au sondage? Non. Donc, vous répondez à mon sondage, quand même. Là, vous pouvez être poli. Je vous quoi? Bonne nuit. Elle est un peu énervée, on va la rappeler quand oui, même. Hein. Oui, parce qu'elle a l'air sympa. Bah voilà, on va la rappeler encore un petit coup là. Mais elle a l'air très gentille, effectivement, oui. Allez, hop, c'est parti, on rappelle encore un petit coup pour voir. Oh, elle a l'air tellement gentille, c'est quand même dommage de se quitter comme ça en mauvais termes. Elle a plus envie de parler avec nous, apparemment. Non, elle veut plus parler. Allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme et on a été coupé. Oui, non, bah, je pense que ça a été clair. Bah, pas tellement, parce qu'en fait, je vous appelais pour un sondage. N'insistez pas. Mais j'insiste pas, monsieur, je voudrais juste une réponse. Après, vous avez rappelé. Bah oui, ça a coupé. Oui, bah, ça a coupé. Bah, donc, voilà. je vous ai rappelé. Non, bah, c'est pas la peine. Bah, si, puisque... Écoutez, non, mais je vais être clair. Les sondages et tous ces appels, si c'est pas elle, c'est moi qui les reçois, on en a à longueur de journée. Donc, je veux plus répondre à tous ces sondages, ces démarchages téléphoniques... Bien sûr. Je suis désolé, je vous souhaite une bonne soirée. Bah attendez, vous n'avez pas répondu, monsieur. Mais je vous ai dit clairement que je ne répondais pas. Oui, mais est-ce que donc, comme 79% des Français, vous répondez pas au sondage? Bien sûr que je réponds pas au sondage. Mais oui, je l'ai dit trois fois. Donc là, vous y répondez. Mais vous êtes un rigolo, vous? Bah pas du tout, monsieur, moi je vous appelle juste pour un sondage. Non, mais... Vous êtes vraiment un rigolo. Mais quand les gens refusent oui. de répondre, oui. C'est leur droit. Bah oui, c'est votre droit, monsieur. Bon. Et du harcèlement, vous connaissez? Bah oui, mais là, je vous harcèle pas, monsieur. D'accord. Non, bien sûr. Là, on discute, monsieur. Allez, bonne soirée. Bon courage. Bah, attendez, vous n'avez pas répondu à mon sondage, monsieur. Oh. Oh, il est parti. Ah, harcèlement, tout de suite, les grands mots. Alors là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On discute deux fois. Et... C'est ça. Ah. On peut pas être tranquille 5 minutes, là, je vous jure. Tiens, il y a un message qui est arrivé aussi. Où est-ce qu'il est? C'est Mr. Steven sur le Twitter là qui demandait si c'était bien mercredi le jeu du je t'emmerde. J'ai envie d'y participer. Ouais, c'est mercredi, il y aura des casques de DJ d'ailleurs à gagner. Et puis dès demain, je vous le rappelle aussi, il y aura évidemment le jeu de la rupture. Ah oui. Ah, grand moment. Avec des casques DJ à gagner ou encore des iPod Nano. Donc si vous voulez jouer, vous pouvez évidemment faire un mail mikael@funradio.fr. N'hésitez pas. Mathieu est avec nous également là. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir Mathieu, salut. 25 ans de Senlis, comment va le péage? Ça va. Bon, il va bien, ça tombe bien. Senlis à côté de 99 lis. Ça c'est nul par contre. Attends, ça c'est... Mais tu t'es foutu de ma gueule pour le chat. Ah, là, parce mais tu n'as pas honte Polo. Là par contre c'était quand même pas terrible. Ah, mais bon, je peux. Alors c'est Mathieu, qu'est-ce qui t'amène de qu'on parle avec toi? Ben tout simplement que j'adore avoir des rapports sexuels. Ben, comme tout le monde, hein. C'est pas mal. Tout le monde, et parce que hier, j'ai écouté Amélie et je me ressemblais un peu. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu Amélie hier entre 20h voilà. Et minuit, puisque le dimanche on est de 20h à minuit. Et effectivement, voilà. Elle avait appelé, c'était Ameline de Paris, donc qui nous disait qu'effectivement, elle aimait bien prendre son pied, en fait, tout simplement, qu'elle est sortie avec une cinquantaine de mecs et qu'elle voulait mettre Trotoff en 69e position. Ouais, j'attends donc. Voilà. Bah c'est ça, il attend, il a sa carte. Bah moi aussi j'attends. Ah mais pourquoi t'as eu contact avec elle, non? Non, pas du tout, en fait j'ai appelé hier tout simplement quand je l'ai entendu et je me suis dit pourquoi pas, j'ai appelé et puis donc voilà tout simplement. Bah tout donc, simplement. Je me suis revu en fait dans la discussion, donc j'en ai pas eu autant que qu'elle. Mais ouais, mais t'as remarqué, c'est plus compliqué pour un mec. Hein. Ah bah oui. Voilà. Sauf si tu t'appelles David Beckham, enfin tu vois que t'as une bonne gueule, t'as de l'oseille, t'es bien foutu, là c'est plus facile. Alors qu'une meuf, tu vois, même si elle est moyenne, physiquement elle est pas terrible, eh ben c'est pas grave. Elle peut avoir quelqu'un. Ouais, elle peut quand même beaucoup plus facilement arriver à choper un mec, c'est vrai. Clairement. Et donc toi, moi, tu dis ça? Ouais, c'est ça, ouais. Non, pas du tout. Ah bon, pardon, j'avais cru. C'est ça. Non. Bon, et donc Mathieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi du coup? Et donc rien, moi c'était pour témoigner, pour en parler, parce que j'ai eu quelques expériences et il y a certains membres de ma famille qui m'appellent Stifleur. Stifleur, ah ouais, c'est dans American Pie, ça, c'est le mec qui se branle dans la tarte. Tout à fait, donc quand il pense un petit peu au cul, il m'appelle comme ça, il me surnomme comme ça. Mais ça donne du goût à la tarte. Oh, j'ai pas goûté, putain. Et je goûterai pas. Voilà. Donc un peu tordu pour certaines choses de pendant les rapports. C'est pour ça que j'ai ce surnom. Mais qu'est-ce que tu fais, tordu, explique. Bah, je fais rien de bizarre. Mais rien, moi je lui prends les menottes, je l'attache, je lui mets une boule dans la bouche et puis après je la fouette. Non. Rien de grave, quoi. J'aime bien tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, donc voilà, un peu comme tout le monde, j'ai quelques fantasmes. C'est qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Parce qu'il y a des trucs qui peuvent sortir de l'ordinaire pour quelqu'un et pas pour d'autres. Non, des doubles pénétrations, éjaculation faciale et autres, voilà. Et après, il y a des gens qui restent dans le standard et il y a certaines personnes qui... Non, mais parce que double pénétration, il faut quand même déjà être trois. Deux, la meuf plus deux mecs. Oui. Non, ou alors avec un god. D'accord. Ou avec un petit plug anal. Petit plug anal, effectivement. D'accord. Ou avec un déodorant avec qui j'ai fait ça. Non, pas le déodorant. Mais pas le déodorant, mais vous êtes barrés, les mecs. On n'avait rien sous la main, donc... Mais parfois, quand t'as rien sous la main, vaut mieux rien mettre. Voilà, passe à autre chose, hein. Tu prends un autre fantasme. Mais c'était pas que ma volonté aussi. Petit conseil. Alors attention, musique du conseil, évidemment, attention. Ne jamais utiliser une bouteille sans le bouchon et mettez toujours une capote dessus. Exactement, parce que si vous utilisez une bouteille sans bouchon, ça fait ventouse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut couper la bouteille pour que ça défasse ventouse. Voilà, ça défasse ventouse. Voilà. Et donc, du coup, peut-être éventuellement hôpital. Bah, si la bouteille est trop enfoncée, oui, hôpital pour aller désincarcérer. Exactement, et là vous êtes bien con quand même, hein. Oh, t'imagines, t'arrives avec ta bouteille là. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'excuse évidente. Mais rien, je me suis assis dessus. J'ai glissé, ça m'est rentré dans le cul. C'est ça, arrêtons le cinéma, prends-nous pour des cons. Quelle horreur. Mais le pire, c'est le nombre de, tu sais, les ambulanciers, les secouristes qui doivent avoir toutes ces histoires. C'est un truc de dingue. Eh, dites-nous d'ailleurs, on en parlera si vous êtes ambulancier, secouriste, n'importe quoi, est-ce que vous êtes déjà probable? Alors, moi. À quoi, t'es ambulancier toi? Non, mais j'ai eu une ex qui était esthéticienne. Ouais. D'ailleurs, elle doit pas m'écouter, mais je passe un petit coup quand même, elle se reconnaîtra. Ouais. Et elle était esthéticienne, et dans 93 à Saint-Denis, et elle avait une de ses collègues qui épilait un vagin. Et elle fait le maillot, et puis en fait, il y a un bout de camembert qui était dans le vagin de... T'es sérieux, un bout de camembert? Non, je suis très sérieux, parce qu'apparemment, son mari aimait ça. Mais c'est scandaleux. Oh chérie, je vais te fourrer au camembert aujourd'hui, tu vas voir, ça va être bon. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je suis très très sérieux. Un peu, comment ça un peu bizarre? C'est plus beaucoup, que bizarre. Beaucoup, ouais. En même temps, rappelons que Clinton aimait bien fumer des cigares après les avoir fourrés. Hein. Président de la première puissance du monde. Ouais, enfin, ancien président. Certes, on l'appelle toujours Monsieur le Président, mais... Ami intime de Toff. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, Mathieu. Donc voilà. Effectivement, pratique un peu bizarre. Mais écoute, pourquoi pas, on peut en parler à l'occasion. Hein. Voilà, donc s'il y a d'autres personnes du coin qui sont dans le même délire que moi, je peux laisser mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Tout à fait, si Ameline nous entend, celle qui est passée hier, on peut évidemment lui passer le numéro de téléphone avec plaisir. Pas de problème. Ouais. Merci Mathieu. Hein. Pas de souci, merci. À bientôt Mathieu, salut à toi bientôt. Et tu reviens quand tu veux sur Fun. Ciao. Merci, je peux passer une dédicace? Vas-y, profite. Tiens, alors je passe une dédicace à tout le monde qui m'en reconnaît et à mon cousin Anthony qui sera... au courant tout de suite. Voilà. Comme ça, moi, il est au juste. Très bien. Voilà. Salut Mathieu, bonne soirée. Hein. Salut, bonne nuit. Allez, ciao. Salut. Yann, merci à toi d'être passé. Encore un truc à ajouter? Eh ben non, merci à vous. Bon, merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux, Yann, sur Fun. Ça marche, pas de soucis. Allez, salut à toi, à bientôt. Salut, bonne ciao, soirée. Ciao, bye bye. Ciao. Bon alors le top tweetos là, déjà merci à vous puisque grâce à vous on est au top tweet ce soir, ça fait plaisir, merci. C'est bon ça. Même si c'était pas une demande spéciale puisque au final c'est nous qui vous demandons de bien gérer le hashtag Mickaël pour que vous soyez les top tweetos puisque nous avons un site internet qui nous permet de calculer le nombre de tweets que vous envoyez et du coup on peut faire un classement des 5 plus influents. Alors, quels sont les 5 plus influents ce soir sur le Twitter de l'émission, le hashtag Mickaël? Alors, 5e, Périphéroni. Ah, toujours là. C'est un autre. Non, elle était là tout à l'heure, elle est redescendue, elle est remontée. Ah bah très bien, donc t'as terminé 5e, Périphéroni, c'est bien. Alors, numéro 4. Alors, un petit nouveau. Ah. Like Harlem. Like Harlem, sois le bienvenu, Like Harlem. Attends, je vais vérifier si je l'ai déjà followé, parce que ça se trouve, il est déjà là. Depuis peu, je l'ai peut-être pas encore, parce que je vous rappelle que si vous me faites un follow, moi aussi je vous followerai juste derrière. Ah bah non, il y a Ludo là qui vient d'arriver, je te follow, Linda pareil, Flo également, il y a Vines également, il y a Mike aussi, Stéphane, Captain Evil et V35 Bune. Voilà, comme ça au moins je suis à jour. Hop, numéro 3. Numéro 3, gamer du 772. Gamer 772, très bien. Numéro 2. Ensuite, numéro 2, Echo 90. Ouais. Qui se tient dans rien. Ils ont 10 tweets d'écart. Avec Nini Virgin. Ah, je croyais qu'il était sorti, qu'elle était sortie du classement, dis donc. Eh non, elle était 3ème tout à l'heure, elle a bien remonté. Ah bravo. Putain, donc le 2ème, c'est qui encore? Donc c'est Echo 90 qui était premier hier. Echo 90, ah bah ouais, voilà. Non, c'est pas hier, qui est avant jeudi. D'accord, donc, bah non, le premier, ça a toujours été les Bufflux, hein, Sophia. Bien sûr. Il y a été premier à un moment. Non. Bah, non, j'ai rien. Donc voilà, t'as failli être premier à ce soir et puis bah Let's Be Free, c'est repassé devant. Hein. Donc voilà, elle a repris sa tête. 10 tweets, c'est quoi 10 tweets, c'est ah, rien. C'était pas grand chose, mais voilà, le sondage est arrêté là. Donc on recommencera demain évidemment à partir de 23h sur Fun Radio, on sera de retour. Si vous voulez top tweetos, eh ben on compte sur vous évidemment. Voilà, soyez là dès 23h évidemment. Et puis on va se quitter avec le générique. Allons-y. Avant le son d'Ens Planche qu'à 6h, là c'est parti générique. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Si Nadia tu veux chanter, n'hésite pas. Enculé. Enculé. Tu comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton nom. T'es un enculé. Tu veux plus dormir ou bien manger, car t'encule ton nom toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, attention, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? Polo est un pauvre con. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Attention, tous en cœur. Toi l'enculé. Poésie, oh, bien entendu. Qu'est-ce que c'est mignon. Eh ben, merci à vous d'avoir été là ce soir sur Fun Radio. Merci à vous toi aussi de nous avoir mis en top tweet. Bah, merci, Polo. Et puis, merci de nous avoir mis en top tweet ce soir. Sur le Facebook également, là, merci d'avoir été nombreux à réagir. Ah, les pervers qui ont été voir la vidéo avec, il y a toujours la vidéo des seins d'une meuf là, qui bouge sur le rythme de Martin Garrix, qu'on va écouter d'ailleurs dans un instant. Donc, voilà, vous avez été plus de 230 000 à aller voir cette vidéo, donc c'est quand même assez beau quand même. Hein. Donc, elle est toujours disponible, facebook.com/michaelofficiel. Passez le message demain quand vous serez au bahut ou même au boulot, évidemment. N'hésitez pas à vous rendre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/michaelofficiel. Pareil pour le Twitter et l'Instagram, vous me faites un follow. Moi aussi, je vous follow, bien sûr, en retour. Vous tapez michaelofficiel. Merci à Nadia également, merci qui n'a pas été top tweeto ce soir. Bonne soirée à tous les auditeurs qui écoutaient Fun, bien sûr. Et ben voilà, ben merci en tout cas d'être passé. Merci pour la petite bouteille de champ, là. C'était parfait. Un grand plaisir. Toff, il a flingué. Hein. Oui, enfin, je pense que le standard m'a beaucoup aidé. C'est vrai, ouais. Voilà, merci Nadia, on te retrouve demain sur Twitter, j'imagine. Hein. Bien sûr. Voilà, le prince Nadia que vous allez pouvoir retrouver sur Twitter si vous voulez, pas de soucis. Bon, ben, bonne nuit tout le monde et on se retrouve demain sur Fun Radio à partir de 23h. Excellente nuit, bon courage pour ceux qui vont aller au taf. Merci d'avoir été là, à demain, salut, salut. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Nickel, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio.